Salut à tous, c'est Majo, bienvenue à la 42e émission des podcasts de VR4Player et on va discuter autour d'un VR. Alors, ce soir, grosse soirée. Et j'ai la crème de la crème pour m'accompagner, puisque ben, nous avons Laurent, fidèle et habitué de l'émission. Salut. Bonsoir, tout le monde. Salut Majo, salut Cyril. Oh merde, j'ai déjà présenté Cyril avant. Oh là là, il a vendu la mèche. Oh merde. Le teasing, quoi. J'avais travaillé l'annonce et tout. La crème renversée, là, tu vois, bam. Tu travaillerais pas chez PlayStation, toi. Je lui ai pourri son truc. Et puis ben, du coup, ben, on a Cyril. Bonsoir Cyril, ça faisait longtemps. Bonsoir, et oui, ça faisait quelques temps que je n'étais pas venu participer à une émission, au moins un mois et demi, quelque chose de... Ouais, deux mois, ah mais non, trois mois même, peut-être, ouais. Ah oui, donc ça faisait... t'as passé le confinement? Non, pendant le confinement, je suis venu à une émission. Ta barbe virtuelle a dû pousser depuis en trois mois. Je la taille. Je la taille, j'ai une tondeuse, et puis après, je fais usage chez un professionnel qui a même de couper les cheveux et... tailler convenablement bien la barbe. Un ami, bonsoir à lui. Et ben voilà, c'est ce que j'allais dire. On lui envoie le bonjour. Allez, c'est gentil pour lui. Bon, donc comme je disais, ben, grosse soirée, gros sujet ce soir. Et on va commencer direct avec ce qu'on attendait le plus, ce qu'on a beaucoup attendu la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, et qu'on avait prévu de faire quelque chose d'assez original, qui sortait un peu de l'ordinaire par rapport à d'habitude. C'est la conf PS5. Alors, on commence par quoi? On va commencer par le design, je pense que ça sera le plus simple. Bah, déjà, on est heureux que Sony ait communiqué déjà, ça c'est super. On attendait ça avec impatience et ça finissait par être long. Alors déjà, premier point que tu abordes qui est intéressant, parce que je voulais rebondir là-dessus, moi, c'est que ils étaient pile à l'heure, en fait. Depuis les Game Awards, où Microsoft était en avance, on présentait la série X en premier, la PS4 a été annoncée le 11 juin 2013 et la PS5 le 11 juin 2020. 7 ans plus tard, pile le même jour. Ils ont tenu compte du solstice, du déplacement du soleil, enfin de... Eh ben, c'était... Pas le soleil, il est fixe. Sur la dernière génération, en 2013, les deux consoles se tenaient, donc ça avait surpris personne, parce que quand il y en a une qui est arrivée, il y a l'autre qui est arrivée derrière. Là, c'est vrai qu'il y a eu quand même, plusieurs mois d'avance sur celle de Microsoft, ce qui a créé quand même une certaine... Les gens en pouvaient plus, mais c'est vrai qu'au final, ils étaient pile poil le même. C'est pour ça que d'ailleurs, le jour du truc, on en a parlé, on s'est dit, vous avez vu, on est le 11, et la PS4, c'était le 11, et c'est de là qu'on a dit, ils vont peut-être la présenter finalement, cette PS5 aujourd'hui, et c'était pas loupé, quoi. Ouais. J'avoue que c'était le petit one more thing, c'était quand même la bonne surprise. Ouais, ouais. Mais bon, ils ont bien joué leur jeu, hein, parce qu'ils ont dit, ouais, non, il y aura que des jeux. Bah, la console étant censée rentrer en prod la semaine d'après, donc cette semaine. Exactement. Ils étaient aussi visiblement plus ou moins obligés de la lancer, quoi. Enfin, de la présenter, pardon, voir à quoi elle ressemble. Ça allait fuiter de tous les côtés. Mais même, je trouve que durant l'émission, ça a bien été amené, quoi. On était vraiment dans un univers PlayStation. Et puis, ouais. Et puis, comme tu dis, ça a été la cerise sur le gâteau, le summum ou le café crème, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Tu vois, c'est pas mal. L'Irish. Ça, déjà, c'était vraiment un bon point, quoi. Voilà, très très. Non, très mais bon. C'est vrai qu'ils l'ont teasé du début jusqu'à la fin avec le départ, tous les symboles, tout le temps qui sont rappelés. Et puis, de morphing. Les formes qui changeaient tout le temps. Tu dis, elle va ressembler à ça. Ah, mais non, elle va ressembler à ça. Ah, mais non, elle va ressembler à ça. Bon, en fait, on a eu tous les éléments sous les yeux pendant toute la conférence, quoi, en fait. Hein. Moi, je trouve, les codes couleurs, les courbes. Un coup, c'était très plat. Un coup, ça devenait courbe. Un coup, ça changeait tout le temps. Donc, tu disais, putain, et ça s'affinait petit à petit. Je trouvais les épisodes s'affinaient petit à petit sur la fin, quoi. Et c'est vrai que tout le long, on était là, putain, ah, ça y est, ils vont la montrer. Ouais, surtout toi, Laurent, ah bah non. Je me souviens. Ah ça y est, cette fois c'est la bonne. Ah bah non. Ouais, donc un format au final plutôt plaisant quoi. Ouais, c'était, si, c'était sympa pour c'était un réussi, truc tout numérique. C'était réussi. Ouais, ouais, c'était vraiment sympa. Surtout, faut, ils sont pas alors sous cette forme originale entre guillemets, hein, puisque d'habitude une présentation de console c'est avec un parterre de journalistes et de VIP. Le tout digital, le tout numérique, on va dire, ils sont pas super adepte quand même PlayStation, hein. Les State of Play ça date d'il y a pas longtemps quoi, donc c'était maîtrisé. Bah non mais après ça reste, si tu le regardes un peu avec du recul, pardon, ça reste un trailer d'une heure quoi en fait. Ouais, ouais. C'est un trailer monté avec bah voilà, des zones de plat, des zones de hype, la musique qui est toujours bien choisie au bon moment, des courtes interventions de comment dire, de développeurs pour pas s'endormir. T'avais les trailers des jeux, un petit peu de gameplay toujours derrière, une petite quinzaine de secondes, 30 secondes, voilà. Ouais, mais on n'en a pas trop vu quand même du gameplay. Et puis basta. Bon, ouais, moi je. Je sais pas, enfin, après je suis mitigé parce qu'il y a des trucs que j'ai vus, j'ai l'impression que c'est du temps réel. Alors que peut-être pas, enfin, c'est, j'avoue que j'ai du mal à faire la diff. Mais après, comme tu dis, c'était, sur tout ce que tu vois. C'était rythmé, voilà. C'était pas un voilà, enchaînement de trailers à la con, là, où on n'en peut plus, mais voilà, il y avait du rythme, c'était coupé, c'était dynamique, c'était pas mal, pas mal. Et puis surtout ces petites phases, voilà, avec les symboles, comme tu dis, qui revenaient tout le temps, là, où on essayait de comprendre un peu pourquoi il y avait ça, quoi. Enfin, on se dit, tiens, ils nous teasent quelque chose, quoi. Ils teasent un truc, ils peuvent pas entrecouper comme ça, avec jouer sur la nostalgie, sur. Autant sur le symbole PlayStation, ce que représente la marque et tout ça, sans avoir un petit one more thing. Donc. Mais c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup à l'attendre à la fin. Quoi. Mmh. Ok, bon, et donc le design, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? On va la faire courte, hein, parce que bon, on va pas en parler pendant 1000 ans, c'est pas non plus la chose la plus importante, mais bon, ça a quand même été très attendu. Laurent nous a fait. Une bonne dizaine de trailers sous toutes les formes possibles, ouais. Et imaginables. Donc du coup, je pense que ça mérite d'avoir sa petite ligne. Alors, Laurent, est-ce que verdict, tu l'avais imaginé celle-là sans vouloir la réaliser? Non. Je m'attendais pas à. C'est rigolo parce que sur tous les trailers que j'avais fait, il y avait des trucs qui revenaient souvent sur Twitter, c'est que je partais un peu complètement en délire. Par rapport à ce que faisait Sony d'habitude, c'est vrai que c'était relativement carré, quoi. C'est toujours très carré. Et là, ils ont pété un câble. Ils sont partis dans une architecture art moderne. Et je pense pas que. Disons que cette console-là, je me serais amusé à la sortir en concept. Je pense que les gens, ils auraient dit non, mais arrête de fumer, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, quoi. Donc après. Personnellement, après une console, le design, ben, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, il y a deux trucs. Donc, personnellement, je la trouve très bien. J'adore. Pourquoi j'adore ? Parce que justement, parce qu'elle vient casser tout ce qu'on a déjà vu et tout ce qu'on a ancré dans le crâne. Et je pense qu'une nouvelle génération, elle a besoin d'un design qui te perturbe. Et puis tu verras que dans 4 ans, ce design-là, il sera assimilé. Et au final, ce sera les autres qu'on trouvera complètement pourris. Les anciennes consoles. Ce que j'allais te dire, tu dis le design c'est important pour que ça change, mais enfin bon, les générations d'avant, hormis la PS3, ça changeait pas des mains. Ça changeait pas. Ça dépend parce qu'il y a la couleur qui fait énormément. Si elle était toute noire, on aurait encore une autre vision de la machine. Après, c'est vrai que si tu prends la PS2, ça restait un bloc. La première Xbox, c'était un bloc. La One X, c'était un bloc. La PS1 aussi. La PS3, elle avait des arrondis, elle était un peu bizarre pour une console. Elle commençait. La PS4, ouais, c'était un bloc. Ouais. C'était un bloc juste un petit peu tordu, quoi, on va dire. Ouais, c'est pour ça que je te dis, tu vois. Mais là, c'est sûr que. C'est pas une console qui laisse indifférent. Là, je pense que la première fois que tout le monde l'a vu, ils ont fait ah ouais. Tu sais, sur le coup, t'es. Ouais, d'accord. Mais après, est-ce que vous pensez pas que la philosophie a changé aussi? Avant, il y avait une forte tendance à vouloir intégrer. Comme un media center, la console au sein même du salon. Est-ce que là, la philosophie d'approche n'a pas évolué ? Chez Sony, du moins, parce que la concurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire, parce que là, moi, personnellement, je la vois comme ça, je serais fier de la mettre sur mon meuble télé dans le salon. Ouais, parce que t'es jeune. pareil, hein, franchement. Je ouais, je commence à vieillir. Ma fille me dit que j'ai des rails sur le front, donc. Ouais. C'est que je commence à vieillir. Ouais, bah, alors, dans un intérieur moderne, elle a toute sa place. Par contre, un intérieur un peu plus classique, Elle a pas sa place. Ah, c'est sûr que si t'as que du mobilier Louis XV dans ton 90 mètres carrés en centre-ville de Paris. Sans aller jusque là, mais. Elle est osée un peu. Hein, Bah pour moi, c'est du vrai design par rapport aux autres, quoi. Parce que les autres, ils s'emmerdent pas, on va dire. Hein. C'est. Même sans. Bon, la Switch, c'est pas pareil, parce que la Switch, c'est plus une. Ah, elle est très cubique, elle portable, aussi. La série X, bah, ça reste un parallélépipède. La PS4, franchement, c'est un parallélépipède qui est juste incurvé, qui est juste incliné, c'est tout. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est la première fois qu'on a ça. Alors, c'est peut-être de là que viennent beaucoup de critiques sur la toile qui disent que c'est un routeur ou que c'est un ventilateur ou que c'est. Parce qu'il y a les ailettes en plus qu'on n'avait pas l'habitude de voir non plus. Et c'est justement ces ailettes, ouais, moi, qui me plaisent. Tu vas faire le jour J quand on allait sur Twitter, T'avais le pour et le contre à 50-50, je crois. Et à mon avis, c'est là-dessus où ils ont assuré. Ils ont marqué le coup. Ils ont tapé. Il y a une partie des gens qui l'aiment tout de suite. Il y a une partie des gens qui ne l'aiment pas, mais qui vont l'aimer. Et une partie des gens qui ne l'aimeront pas. Et au final, elle va rentrer dans la. Ça peut devenir un standard. Puis ils voulaient surtout aussi marquer le coup que cette console, c'est quand même une grosse différence par rapport aux autres consoles de jeu. De par sa. Elle est plus proche justement de la PS3 et du sel, de par sa philosophie. Et justement, ils cassent vraiment le truc. Ce n'est pas une PS4, c'est une autre, comme une, ils ont une fait, autre philosophie. Un peu quoi. Comme ils ont fait avec la PS3, du coup. Exactement. Le design aussi était changeant. Exactement. Et alors, est-ce que l'avenir sera le même? Meilleur. Ah, telle est la question. Maintenant que tu as dit ça, certains détracteurs vont dire oui. Ça va se passer pareil, ça va être un flop. Je crois qu'ils ont suffisamment. Alors, ça peut être un flop si ils te la balancent à 700€, c'est sûr. Mais perso, il y a deux points qui. Le processeur Cell, ça n'a jamais été une catastrophe. La PS3, c'est pas une catastrophe pour ça, c'est une catastrophe parce qu'elle était. C'était une horreur à développer. Et justement, le deuxième point où elle a marché. Ah, mais bien sûr qu'elle a marché, ouais, elle a fini marché, à 85 ou 86 millions d'unités vendues quand même, donc bon. Oui, et puis on a quand même eu des beaux jeux, sur la fin de gen, les Uncharted. Tout est très relatif quand même. Elle a souffert, comme dit Laurent, de la difficulté pour les développeurs de travailler. Le prix déjà, mais bon, il y avait quand même l'apport du lecteur Blu-ray, faut se rappeler qu'à l'époque, un lecteur Blu-ray, oui, ça coûtait bonbon. Donc là, on en avait un qui était de bonne facture en plus, intégré à la console. Un gros disque dur pour l'époque. Mais oui, de surcroît. Mais elle a souffert aussi de la comparaison avec la PS2 qui était un best-seller. Et il se peut que la PS5 souffre aussi de la comparaison avec le best-seller qui est la PS4. Bah, ça, on le verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Là-dessus, attention, parce qu'il y a rétrocompatibilité derrière. C'est plus pareil. Ouais, attends, on sait pas. Ah, sur la PS4, on le sait. On ne le sait pas sur la 3 et la 2. Sur la PS4, on sait pas. Oh, monsieur, on le sait. Pas. Si. On a des soupçons, franchement. Ah, mais c'est non, mais c'est pas des soupçons, ils l'ont dit. Après, bon. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la rétrocompatibilité, c'est propre à chacun, hein, mais c'est survendu un peu, quoi. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà rejoué à des vieux jeux de PS3 ou. Ouais, de PS3. Non. Perso, sur ma PS3, si. Je jouais beaucoup à mes jeux de PS2 sur ma PS3. Moi, je l'ai acheté Day One, donc j'ai la version rétrocompatible PS1, PS2. Ouais. Moi je l'ai pas fait. Et je peux te dire que si j'ai la PS5, je m'amuserai pas à jouer à des jeux PS4 dessus, quoi. C'est... Oh, non, si, je suis pas nostalgique à ce moment-là. Toujours plaisant de relancer, de retrouver un peu la. Enfin, pas pour moi, quoi. Voilà. Donc, c'est pas un argument de vente. Voilà. Pour moi, c'est pas ça. Tu n'es pas nostalgique, donc tu fais partie. Je peux l'être, mais pas pour ça, quoi. Je change de génération, c'est pour aller de l'avant, c'est pas pour. Les gens qui se seront. Parce que dans l'eau, il y a des jeunes qui vont demander à leurs parents d'avoir la console. Donc, si elle coûte 500 balles, ben, c'est quand même une sacrée somme. Donc, ils vont se retrouver avec 500 balles. Et puis, si mamie, elle veut pas leur acheter un jeu, ils auront au moins leur jeu PS4 pour continuer à jouer dessus. Oui, non, voilà, pour moi, c'est pas un argument de vente. Mais comme tu dis, pour une famille ou autre, ou pour un gamin qui essaie de forcer la main à ses parents, c'en est un, ça je m'en souviens. Moi, je vois à la maison avec mes deux enfants, certes, je vais certainement jouer à des jeux PS5, mais je sais que les enfants, ils sont attachés à certains jeux PS4. Le PS3, ils s'en foutent, hein, mais PS4, il y a certains jeux qu'ils adorent, et je sais que c'est un avantage de pouvoir ne pas avoir à maintenir la PS4 à côté de la PS5 pour qu'ils puissent continuer à jouer à leur jeu PS4. Bon, enfin là c'est dommage parce que si t'as la PS5 tu pourras les envoyer dans la chambre avec la PS4. Ah mais c'est ce que je vais faire. Ouais. Je vais garder ma PS4, je vais la mettre à l'étage et puis voilà. Mais bon après aussi t'auras plein de remasters où ça va fleurir ça aussi, donc bon t'auras toujours. Ah bah ça, voilà. Ça commence déjà avec Demon's Soul, qui est lui un jeu PS3 remake et PS5. Donc ça. Ça démarre, ça va aller avec. Ça va peut-être limiter les remasters, vu qu'on est quand même sur une console rétro-compatible. Donc si tu peux remettre déjà c'est ton vrai. Last of Us 2, tu vas pas forcément racheter ton Last of Us 2 PS5. Quoi. Ouais, mais s'il est plus beau, t'auras peut-être envie d'y jouer pour du plus beau. Ouais, je sais pas, je me fais l'avocat du diable là. Mais... Ben non, mais disons que moi, par exemple, en parlant vraiment de GTA, par exemple, qui était sur PS3 et qui était après sur PS4, j'ai attendu la version PS4 pour prendre GTA alors que mon frère l'avait en PS3, c'était le jour et la nuit. Ou The Last of Us, le premier du nom, je l'avais sur PS3, après j'ai pris le remaster PS4, mais j'ai acheté le remaster PS4 parce que vu que j'avais pris la PS4 qui n'était pas rétrocompatible avec la PS3, j'ai viré ma PS3. Est-ce que tu achèteras le bundle remaster PS5 Last of Us 1 et 2? Parce que The Last of Us, c'est pas sortir celui-là aussi. Tu sais, il y a des jeux que tu tiens à cœur et que du coup tu sais que tu le prendras. C'est comme si t'es fan de Star Wars ou si t'es fan de Marvel ou si Star Wars. Tu le prendras quand même. Mais c'est sûr que je vais pas m'amuser. Je vais pas m'amuser. Si le truc il est rétrocompatible, je vais pas m'amuser à prendre 50 versions du même jeu. Mais ce sera pas le cas pour d'autres. C'est sûr. Et du coup, la version All Digital, votre avis sur le design amputé de son lecteur de disque, la capacité du SSD à encaisser tous les téléchargements Design plus joli, parce que c'est symétrique du coup. Donc ça je trouve ça bien. Après All Digital, c'est pour les gens qui n'attachent pas de... c'est une nouvelle génération, je vois mes enfants, c'est là-dessus, ils n'attachent pas d'importance sur l'objet, donc c'est pour un public, c'est ça, son public. Après, je suis attaché à mon lecteur Blu-ray. Si t'es pas prêt à être rétro-compatible, c'est pourquoi plus. Ah oui, pour le lecteur Blu-ray, pardon, c'est moi qui t'écoute pas. Ouais. Non. Ouais. Bravo, Majo. Ouais. La rétro-compatibilité, je m'en carre le coquillard comme pas deux. Mais ancienne génération, je fais la PS1 avec un lecteur CD, tu pouvais lire des CD vidéo, mais en fait c'était génial, donc je suis toujours dans cette optique-là. Je trouve que les consoles. En intégrant un lecteur apporte un plus. Là, les lecteurs ultra HD, je trouve ça sympa. Voilà. Sachant que c'est des consoles 4K, on va vers l'avant, je trouve ça bien. C'est pile poil dans le ton. Par contre, il manque un truc quand même. Il manque une petite mention VR. Alors, on a vu pas mal de jeux. On a vu pas mal de jeux passer, alors on va pas passer en revue tout ce qui a été vu. Je vous invite à revoir soit la conf, soit les différents trailers qui sont sur internet, sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, sur le site. mais par contre, y en a quelques-uns, surtout moi. Alors moi je suis toujours l'éternel optimiste du groupe, j'ai l'impression. Il en faut. J'étais à 200% pour qu'on ait des petits... alors pas forcément des jeux à proprement parler... spécifiquement VR, pardon, mais au moins des jeux plats compatibles et full compatibles VR, alors notamment GT7, qui quasiment tout le monde l'avait soulevé qu'il allait être présenté pendant cette conf. Ça a été le cas, aucune mention de la VR n'a été faite dessus, aucune annonce pour la VR non plus. Resident Evil 8, qui a surpris tout le monde, pareil, alors avec une vue à la première personne encore, comme le 7, mais pas d'annonce VR. Et alors, le plus surprenant, Astro Playroom, qui va reprendre le principe du Playroom VR sorti sur PS4, donc qui sera là pour essentiellement faire découvrir les capacités de la manette, comme sur PS4 d'ailleurs, qui lui, si je dis pas de bêtises, était compatible VR, et le Playroom PS4. Mais par contre, là, une icône de la VR Astro qui n'est pas compatible ou non plus annoncée compatible VR. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question. Qui veut commencer? Qui y va? J'y vais. Allez. Personne n'a la réponse, mais alors, les théories, non, mais je pense que y a plusieurs façons de l'interpréter et on n'aura pas forcément tous la même interprétation, à mon avis. Cette conférence, moi, personnellement, j'étais parti dans l'esprit qu'on n'allait pas voir de VR. Ils vont présenter la PS5, ils vont montrer des jeux PS5 et on savait tous quelque part qu'on n'aurait pas de VR. Par contre, alors je te coupe, ils avaient quand même annoncé que ça serait le futur du jeu vidéo, sur PlayStation. C'est vrai. Donc c'est vrai. Oui, mais on savait que je sais pas si on le savait, mais je m'attendais pas à avoir de la VR, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il n'y ait aucune mention de la réalité virtuelle, notamment sur la console. C'est pas tant les jeux qui m'ont surpris, c'est plus sur la console qui n'est pas mentionné, parce qu'ils ont quand même mentionné l'audio 3D, ils ont mentionné le ray tracing, ils ont mentionné tout un tas de fonctionnalités de cette PS5 et sans jamais dire VR ready. VR ready, c'est une marque, de trouver un terme qui indique que la console était VR. Et ça, c'est ce qui m'a le plus dérangé sur toute sa conférence. Et bien VR sûr, voilà, VR compatible ou VR je sais pas quoi. Mais PSVR compatible. Voilà. Ou même montrer un PSVR, ou qu'on ait un petit jeu planté en plein milieu dans toute la conférence avec une petite lettre VR à la fin, ou un petit logo, une connerie. Moins un logo, absolument. Voilà. Surtout qu'ils avaient dit depuis plus d'un an que le PlayStation VR il est compatible PS5, donc ça avait toute sa place. Bah ouais, Marc Cerny l'avait annoncé l'année dernière, oui, effectivement. Et le seul petit clin d'œil qu'on a eu, je pense que vous l'avez vu, c'est au tout début du lancement de la vidéo, on a vu Astrobot. Ouais, on a vu Astrobot, mais c'était sur des vieilles versions, quoi. Ils ont mis du GTA 4, ils ont mis de l'Astrobot, ils ont montré des. Oui, ils parlaient de la PS4 à ce moment-là, quoi. Ouais. Oui, mais on a quand même eu. Non, parce que GTA 4 sur PS4, je crois qu'il n'est pas sorti. Non, GTA 5. GTA 5. Oui, mais bon, on a quand même eu une petite partie VR, dans ce teaser. C'était au tout début, c'est l'historique récent de PlayStation, donc ils ne pouvaient pas l'occulter à ce point-là, quoi. Enfin, je sais pas. C'est 5 millions de casques, quand même, c'est pas rien. C'est vrai, mais quid de la PS Vita, quand même. Oui, oui. On a vu des petits retours sur PS1, PS2, PS3, PS4, mais PS Vita, même la PSP, on n'a rien vu. Donc bon. Et ce petit Astrobot, quand même, faut se rappeler quand même que la première fois qu'on l'a vu, c'était, je crois que c'était The Playroom tout simple, le premier The Playroom, oui, sur PS4, ouais. où on n'était pas en VR, hein, on était en AR. Non, mais c'était pas Astro. Si, c'était, c'était les bots. Non, c'était. Oui, c'était tous les bots, mais c'était pas Astro. Ah, mais Astro, c'est un bot. Oui, mais c'est celui qui a la cape. Là, tu joues sur les mots, là. Ah bah non, Astro, c'est un personnage particulier, il a la cape et tout, il a le charisme, il est plus fort que les autres. Ils sont tous pareils, les bots. Lui, il est mieux que les autres. Bon, alors si tu veux, Astrobot, il est mieux que les autres bots. Mais c'est le même. Ouais, il est dirigé par un être humain, donc il est meilleur. Mais à quoi servaient ces bots? Parce qu'à l'époque, c'était encore des bots. Quand ils sont sortis, c'était pour montrer les capacités de la caméra et de montrer toute cette partie de réalité augmentée que pouvait proposer cette caméra sur PS4. Et la manette, le tactile de la manette, la captation avec la barre lumineuse. Ensuite, il y a eu The Playroom VR, où là, on était vraiment sur une application VR, avec encore les bots, parce que c'est toujours pas Astro. Elle était vraiment faite pour la VR. Donc là, après, les joueurs ont tellement aimé cette démo gratuite de Playroom VR qu'ils ont demandé à Japan Studio s'il y avait moyen d'affaire un jeu complet, parce que c'était vraiment trop génial et tout ça. Et Japan Studio ont réalisé Astrobot, le jeu complet tiré de cette démo. Un petit peu comme Blood and Truth était la démo de London Heist, c'était un peu dans le même esprit. Ouais. Et alors je pense que il y a à ce moment-là déjà, est-ce que c'est parce qu'Astrobot avait la même couleur que le PSVR, on se l'est accaparé quelque part et Astrobot est devenu l'ambassadeur de la réalité virtuelle chez Sony. C'était notre Astrobot. Et là, paf! La conférence Sony envoie Astrobot qui est en train de nous tromper devant nous, en plus en train de nous faire des infidélités, il nous brise le cœur. en plus il est en train de monter sur une DualSense, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu accouplement. Et là, pour un joueur VR qui s'était accaparé quelque part ce petit personnage en tant qu'ambassadeur de la réalité virtuelle, on ne peut pas s'empêcher, même si on a démarré la conférence en se disant qu'il n'y aura pas de réalité virtuelle, et ben quand on voit Astro qui n'est plus VR, ça fait un petit serment, ouais. Je vais même aller plus loin que ce que tu viens de dire, c'est que dès qu'on l'a vu, on y a cru. Et bah oui. Et c'est qu'à la fin du trailer où on a vu que c'était pas en VR que c'était. Bah, on est passé de la joie à pleurer en 2 minutes. L'ascenseur émotionnel. Voilà. Ouais, bah après qu'on se le soit accaparé, je trouve ça normal puisque c'est. Astrobot, c'est le jeu, sans doute le meilleur jeu sur PlayStation VR. C'est déjà. Celui qui a cartonné, donc. Ouais, c'est vrai. Oui, il est dans le camp de la réalité virtuelle. Alors oui, t'as raison, c'est plus. À la base, c'était plus une démo technique, et je pense que c'est exactement la même chose, puisque c'est pour mettre en avant le gameplay de la DualSense. Ce sera un jeu gratuit installé sur toutes les PS5, voilà, comme l'était The Playroom. Ouais. Mais est-ce que. Alors, bon, y a le fond, il est bon, enfin, mais est-ce que c'était judicieux de mettre en avant de la sorte Astrobot, quand on sait qu'il n'y a eu aucune référence à la VR de fait? Je sais pas. C'était le double effet qui se coule là. C'était le bon effet, le mauvais effet quoi. Le ouais c'est bon et puis ouais. Bah non, on a dans le baba. Ben, le double effet pour moi c'était que déjà il mentionnait absolument aucune VR sur l'ensemble des titres et le deuxième effet c'est Astrobot qui nous a fracassé par terre. Mince. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent la VR quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils te reprennent une icône de la VR, ils squeeze la VR dessus, voilà. Et toi, tu te dis, bon, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la VR, c'est fini. C'est ça. L'étendard de la VR est porté en plat sans avoir de compatibilité VR, bah, le raccourci, il est vite pris. Quoi. Alors que c'est totalement ridicule. Puisque. Ouais, bah si ça se trouve, c'est surtout pas vrai. En fait. On n'en sait rien. Cet Astro Playroom, là, c'est ça. Bah, voilà, c'est la démo technique de la DualSense, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un Astrobot 2, quoi, VR. Non, bien sûr, ouais, mais. L'émotion a pris le pas sur la raison, quoi. Non, c'est sans parler d'émotion. Le Playroom original sur PS4, il a une compatibilité VR. Oui. Donc pourquoi pas celui-là? Ah oui, non, mais. Il y a ça aussi. D'accord, oui. Non, ah non, le premier The Playroom n'est pas VR. C'est le Playroom VR qui est. Ah non, non, c'est The Playroom VR qui est VR. Oui, bah, enfin, je veux dire, ils t'ont sorti un truc en lien avec Playroom pour la VR, si tu veux. Et là, ils te sortent. Parce que le casque à l'origine n'était pas sorti sur PS4. Il est sorti 3 ou 4 ans après. 3 ans après. Mais là, en sachant que la VR existe et qu'ils te sortent un Playroom qui, sur PS4, a fait et de la VR et du plat, bah, ils auraient pu te faire les deux d'un coup. Ouais, mais c'est là où je me demande si c'est pas un ambassadeur de Sony, ce personnage, qui est chargé, en fait, de montrer les nouveautés à chaque fois. Donc, si demain, Sony nous sort un ventilateur Sony que tu branches sur ta PS5 et que tu pourras avoir du vent quand tu... Eh ben, peut-être qu'il y aura encore Astrobot qui va se réappliquer pour montrer ouais, le ventilo. C'est possible, t'as raison, oui. Oui, parce que là, on le voit, c'est vraiment pour mettre en avant la DualSense et les fonctionnalités de la manette. C'est là où je parle d'émotion parce qu'on se l'est approprié et on a regardé quasiment tous ensemble le show. Mais quand on a vu Astrobot, on criait, donc on était content, donc on était sous le coup de l'émotion et la déception, ouais. Elle est naturelle. On était content. Enculé, enculé. Non, mais quand on l'a vu, c'était bon, c'était le Graal qui est arrivé et puis donc on était bien sous le coup de l'émotion. Le soufflé. Ah, quand il est arrivé, oui, ça fait oh putain, oh de la merde, ça y est. Ouais. Et puis après, derrière, on parlait plus. Bah, de toute façon, il y a deux options. Hein. C'est soit ils abandonnent complètement, soit en fait ils préparent quelque chose juste pour ça. Voilà, t'as tout dit, on peut arrêter l'émission, c'est bon. Allez, sur ce, bonnes vacances. Non, je déconne. Ouais. Mais oui, c'était peut-être maladroit pour les joueurs VR. Je pense que Sony l'ont pas vu comme ça parce que pour eux c'est un ambassadeur de la marque et c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui a soutenu la VR et qui maintenant soutient la DualSense et qui soutiendra certainement d'autres consoles et d'autres nouveautés. C'est vrai que nous, par contre, en tant que joueurs VR pur et dur, Astro, c'était non seulement certainement l'un des meilleurs jeux, voire le meilleur jeu, le plus aimé des joueurs VR, et de le voir partir comme ça sur du plat, eh ben, on se dit mince, ils ont pas pensé à nous, quoi. Donc c'était assez. Au sein de l'équipe, il y a comme un clivage par rapport à cette approche, et d'ailleurs, on a fait un article. T'as raison par rapport au fait de pas présenter un jeu VR ou quoi que ce soit, mais on parle même plus de ça. On a aucun logo VR au bout d'une heure de conférence, quoi. On se retrouve avec la photo de famille en toute fin de show, où on a la caméra, le casque audio 3D, la console, ça la serait sans la télécommande, enfin on a tout, il y en a même pas un logo quoi. C'est là où comment dire, on entend, enfin une partie comprend que bon ben OK, le but c'est de mettre le paquet sur la PS5. OK, faut pas rater le coup parce que Sony en dépend. OK, faut mettre du line-up de qualité. D'ailleurs, tu l'as très bien résumé. Il y a aucun problème, sauf que sur cette photo de famille, la VR, elle est absente. Alors, on demandait pas un jeu, on avait bien compris qu'il fallait surtout parler au plus grand nombre, et le plus grand nombre, c'est les joueurs en plat. Mais la VR, elle fait partie de la famille PlayStation, et pour moi, en l'occurrence, la famille PlayStation, elle est une et indivisible. C'est une volonté, alors souhaitée ou pas, heureuse ou pas, mais pour moi, elle n'est pas heureuse. C'est une volonté de cliver les joueurs PlayStation. Voilà, on ne demandait pas quelque chose de relatif à la VR en termes de contenu, mais juste un logo, quoi. On a besoin de savoir. Alors, OK, dans 2 mois, ils vont peut-être, ou même avant, ils vont peut-être faire une émission en mettant cette fois-ci le paquet sur la VR, mais cette nécessité de cliver le joueur PlayStation... je sais pas, c'est scindé en deux la famille, alors que un joueur PlayStation PSVR, il a quand même acheté l'équivalent de 2 consoles PS4, et faut pas l'oublier ça non plus quand même. Et est-ce que c'est pas justement voulu, dans le sens où dans tous les cas les joueurs se clivent eux-mêmes? Rappelle-toi de ce State of Play plus ou moins consacré à la VR, State qui of était play très mal mars. Perçu. Oui, le tout premier. Mais d'accord. Non, mais est-ce qu'ils n'ont pas tiré justement des leçons de tout ça? Comme tu dis, est-ce que c'est pas ça la résultante de ces leçons? C'est probable. Il y a les showcase maintenant qui à le 3 2019, la VR était bien à part avec la mainmise d'upload VR. Mais un simple logo. On parle pas de quelque chose d'un rendu visuel. On demande un logo. Voilà, pour faire partie, t'imagines que t'as un casque audio, t'as même la télécommande de la console. Mais je partage tout à fait ce que tu dis. Mais si t'analyses, si justement tu fais l'analyse inverse... Oui, mais c'est un logo, la photo... c'est un logo, c'est pas montrer du contenu VR, c'est un logo. Mais je sais, mais est-ce que non, je parle juste pour l'histoire de ta photo de famille. Oui. Sur la photo de famille, tu n'as que des accessoires PS5. Oui, mais... Le PSVR, il est sorti sur PS4. Non mais je suis d'accord, donc mais je te parle pas de montrer le PSVR, je te parle d'un logo. Le PSVR, même s'il reprend les codes couleurs de la PS5, on va dire qu'il était avant-gardiste, ou ils s'en sont peut-être servis pour justement le code couleur de la PS5, au niveau du design, il est daté, il est de l'ère de la PS4, comme tu le dis très bien. Mais un logo, on te parle même pas de montrer le PSVR ou un rendu VR, un logo VR. Oui, non, mais je partage ce que non, tu dis. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que. C'est ce que je dis depuis le début. En ne mettant qu'un logo. Je suis tout à fait d'accord. En ne mettant qu'un logo, tu ne mets pas une claque aux anti-VR de, qu'on a pu voir avec la haine qui s'est déferlée lors du premier State of Play. Tout à fait, mais peut-être que tu te grilles sur la suite de tes annonces et de ta communication. C'est ce qui m'a le plus marqué, c'est ça justement, en milieu de conférence, mais peut-être même presque au début, où ils ont commencé à annoncer toutes les, pas la fiche technique, mais les caractéristiques de cette PS5. Et en fait, tu avais les logos ronds, croix, triangle, tout ça qui bougeait, et puis tu avais 4K, 60 SSD, FPS, SSD ultra rapide. Donc, il faisait une énumération des fonctionnalités de cette PS5, et c'est à ce moment-là où ça aurait été judicieux peut-être de mettre VR compatible ou je ne sais quoi. Ils l'ont pas fait, du coup c'est en fin de conférence on se retrouve avec une console qui sera rétro-compatible avec le PSVR, ça on le sait, mais pas forcément une console VR ready pour l'avenir, et ça pour l'instant ça reste encore flou, comme un peu le ray tracing est complètement flou aussi d'ailleurs. Après, pour en revenir à Astrobot, on parlait tout à l'heure que c'était pas forcément un ambassadeur de la VR, bien qu'on se le soit complètement accaparé parce que Astrobot il est à nous, mais en réalité c'est plus un ambassadeur, une mascotte, et ça c'est pas bête parce que c'est vrai que c'est plutôt une mascotte, et je suis convaincu qu'il sera là pour un PSVR 2 Astrobot. Juste pour terminer sur cette présentation PS5, quel jeu plat vous a le plus emballé? Chacun son tour. Allez, comme ça rapidement, le premier qui vous vient en tête. Ratchet. Cyril? Aucune idée. Je joue plus en plat. En plus, c'était que des jeux où il n'y avait pas de coop. Alors moi, je joue beaucoup en coop. Et là, d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois lors de l'émission, je trouvais dommage de pas avoir présenté du coop, hormis Little Big Planet où on a vu rapidement de la coop. Sackboy Aventure. Je trouve que dans le fond, l'émission a été bien maîtrisée. Et dans la forme, par contre, mais dans le fond, il manquait ce VR compatible. Voilà. Donc pas de jeu plat pour toi, Cyril ? Rien qui t'a emballé ? Même pas un Horizon pour rester peu original ? Ah, Horizon aussi, ouais. Horizon, non, après je suis sévère, mais non, là, pour l'instant, non. Ouais, je trouve aussi, mais Ratchet, bon, Horizon, c'est ton choix. Et il y avait un petit jeu... Moi, ce sera Kena. Oui, aussi, c'est ce que j'allais dire, qui était super beau aussi. Ouais. Voilà. Bon, allez, du coup, on sort de l'univers PlayStation un peu, on va aller voir ce qui se passe chez la concurrence. Alors, Microsoft, HP et... Attends, je te coupe. Il y a deux bonnes nouvelles. Enfin, deux nouvelles, pardon. Une bonne et une mauvaise, vous voulez laquelle ? Moi je suis optimiste, alors commence par la mauvaise. Bon, alors c'est un clin d'œil appuyé pour moi, hein, je pense que c'est pareil pour vous, aux acteurs de la VR, je pense notamment aux salles d'arcade VR, mais qui ont terriblement souffert du Covid, du confinement, mais aussi de l'après-Covid, hein, puisque les normes de sanitaires limitent ne serait-ce que l'ouverture, voire le flux de clients. Et ben ces salles d'arcade elles pâtissent d'une grosse problématique financière, mais aussi de logistique, comment faire revenir la clientèle et le Tutti Quanti. Les plus gros sont touchés. Sandbox, qui est VR, qui est basé à Hong Kong et qui a des centres en Asie et aux États-Unis, ils ont quand même licencié 80% de leurs employés. En France, les géants comme Illucity et Virtual Games Park, il y en a d'autres, hein, ben, ils sont dans la même problématique. Je trouve ça dommage, c'est dommageable, puisque ce sont des grosses salles VR qui apportent quelque chose de différent en termes d'investissement, c'est-à-dire que c'est pas juste un PC survitaminé avec un casque qu'on pourrait avoir chez soi. D'immersion et de confort, voilà, aussi, et plus de place, et puis le matériel est plus adapté que ce qu'on peut retrouver. Puis, voilà, c'est 4-5. Oui, voilà, il y a vraiment quelque chose qu'on peut pas reproduire à la maison. Et ce sont pour moi de vrais ambassadeurs de la VR, à savoir peut-être que certains dans vos connaissances ou autres sont allés dans un de ces centres, ont découvert la VR et se sont équipés soit sur PC, soit sur PlayStation. Et je trouve qu'il y a malheureusement pas mal qui vont disparaître. Et ça peut être un frein au développement à venir de la VR. Donc bon, voilà, je voulais leur faire un petit pouceau, un petit clin d'œil à tous ces ambassadeurs en perdition, on va dire. Ouais, voilà. Donc on espère qu'ils se relèveront et que d'autres naîtront aussi. Et la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que malgré tout ça, le marché, malgré les attaques qu'a subies dernièrement la VR, le marché il est encore exponentiel, et notamment les manufacturiers qui sortent encore des casques. Et je pense à HP qui va sortir, les précommandes seront à compter de septembre, le Reverb G2, qui est la version améliorée du Reverb qui est sorti il y a un an à peu près, quoi. Et c'est un travail, alors ça va faire sourire Laurent, en étroite collaboration avec Microsoft, parce que c'est un casque étroite. Windows mixte. C'est le étroite qui va pas, voilà. En fait, je crois. Et Valve, voilà. Et le fait que le travail en correspondance avec Valve, c'est intéressant. Alors ce casque, il a désormais 4 caméras au lieu de 2 que pour son prédécesseur, dont 2 caméras frontales et 2 caméras sur les côtés. Je trouve ça intéressant, puisque notamment quand on jouait par exemple à Creed, Rise to Glory, si vous mettiez votre garde haute et avec les que ça soit sur Quest ou autre, hein, les contrôleurs VR proches de votre tête pour la garde, il y avait une perte de reconnaissance de ces fameux contrôleurs. Donc là, au moins avec la caméra sur les côtés, on pourra avoir une bonne reconnaissance des contrôleurs. C'est typiquement ce que font l'Oculus Rift et le Vive Cosmos. Le Rift, je pense pas qu'ils aient les caméras sur le côté. Il en a 4 en façade. Hein. Le Rift. Hein. La dernière version ? Le Rift S, ouais, je crois pas. Hein. À vérifier, mais non, c'est comme sur le Quest, hein, ça, en façade, en frontal. Les contrôleurs, bon, c'est les contrôleurs WMR de l'Oculus Touch. La résolution, par contre, c'est du 2160 par œil, ce qui fait une augmentation de, ce qui est énorme. Ouais, de 2,5 par rapport à correspondance le Rift S. Donc 2 dalles LCD de 2,9 pouces, lentille Fresnel, champ de vision. Ils ont fait des progrès quand même. Un champ de vision de 114 degrés et un rafraîchissement de 90 Hz. Faut voir comment est le rétroéclairage parce que tu sais, sur les nouvelles techno de télé LCD, maintenant ils te font du mic. Alors, c'était le micro. Alors attends, ouais, alors maintenant je crois que t'as du nano. Maintenant, ils arrivent à passer encore en dessous de l'éclairage par micro LED donc. On n'est plus sur les deux bandes, sur les côtés. Ça reste moins performant que l'OLED. Hein. Je parle des téléviseurs. Hein, Il n'y a que d'ailleurs, il y a que le PSVR qui est en OLED. Non, OLED, il y a le Vive Pro aussi en OLED et le Samsung Odyssey. Et le Quest aussi, il est en OLED. Ouais, le Quest, il a une dalle OLED. Ouais, donc que les casques bas de gamme alors en fait. Au final, c'est pas les plus chers. L'Odyssey, il est bien quand même. Je te trouve bien, bien difficile, monsieur, là. Bah, enfin, tu compares au Valve Index qui coûte 800 balles, au Cosmos qui en coûte. Oui. Voilà, pour moi, c'est les casques. Enfin, les autres, c'est le bas de gamme. C'est le Vive Pro, le Vive Pro, c'est pas de la. Vive Pro, le Rift S, c'est le tarif d'un PlayStation VR. Hein. 100 balles près, c'est ça. Hein. Ouais, alors milieu de gamme, autant pour moi. Mais bon, ce qui est paradoxal. Bah oui et non. Parce que l'OLED étant le summum de l'affichage. C'est des choix commerciaux. Économiques. Oui, sans doute. Ouais. Ouais. C'est sûr que ce Rift, à la base, c'était économique. Ouais. T'as une moins bonne résolution, par exemple, sur un Vive Pro. Par contre, la résolution du Reverb, elle tue, quoi. C'est un 2160x2 par œil. Donc vous imaginez, c'est de la 4K native sur les deux yeux, quoi. Forcément, l'écran OLED coûtera peut-être un peu plus cher en production, donc t'as une résolution un peu plus basse. C'est sûr. Après, c'est un équilibre. C'est un choix. Après, est-ce que faut voir ce que ça donne aussi, hein, parce que une résolution de malade comme ça, je te dis pas le PC qu'il faut derrière pour la faire tourner. Hein. Je vais faire le rabat-joie, mais il faut qu'ils arrêtent avec ces petits écouteurs sur les côtés. Là. Ah oui, je suis d'accord. Parce que perso, je l'ai eu testé une fois. Je trouve que ça casse totalement l'immersion parce que t'entends tout ce qui se passe autour et tout. Donc j'aimerais qu'ils laissent le choix aux acheteurs de soit les prendre, soit pas les prendre, et pas les imposer d'office parce que je sais même pas si tu peux les enlever. Ouais, là, je sais pas, mais là, je pense qu'il y a une. Sur le Reverb, c'est bizarre. Là aussi, un intérêt d'économie d'échelle, c'est développé en étroite collaboration avec Valve. C'est les mêmes écouteurs que sur le Valve Index. L'index. Donc, économie d'échelle, c'est probable. Sachant que ce partenariat avec Valve. Bien que ça soit un casque WMR, il sera nativement compatible avec SteamVR, donc ça c'est un gros plus, parce qu'il y en a pas mal qui ont quitté le WMR justement par rapport aux problématiques de connexion avec Steam ou le Store Oculus. Et si on extrapole, qu'on va plus loin, qu'on regarde un peu derrière le rideau, on se rend compte que c'est pas le concurrent du Rift S qui est moins cher, celui-là il sera vendu en préco à 718 €. C'est le concurrent direct du Cosmos d'HTC. Et il y a quand même une dissension qui a été faite entre HTC et Valve. Donc voilà, le cœur de cible, c'est le Cosmos. Et peut-être qu'indirectement, c'est HTC quoi, qui est visé par ce duo HP-Valve. Je mets de côté, pour Laurent, je mets de côté Microsoft. Mais du coup, mince, parce que j'allais justement te poser la question, du coup Microsoft repart un peu dans la VR, compatibilité avec la Series X. Mais je serais tenté de te dire non, alors j'ai pas les tenants, les aboutissants, hein. Mais le fait déjà d'inclure nativement la compatibilité avec le Steam VR, je vois pas de grand espoir d'avoir un catalogue Microsoft, Xbox ou je sais pas comment ils l'appellent, hein, développé, hein. Il est à l'agonie d'ailleurs je crois. Microsoft, de toute façon, ils font avec ce HP Reverb. Ils font la même chose que ce qu'ils ont fait avec les Lenovo, les Asus, les Acer, toute la gamme Windows Mixed Reality. C'est-à-dire qu'ils ont créé une gamme. Ils ont créé une gamme Windows Mixed Reality qui se compose de plusieurs casques. Ils ouvrent Windows 10 à tous ces casques pour permettre de pouvoir s'en servir sous Windows 10. Et puis ça donne aussi des avantages aux fabricants pour certainement il doit y avoir au niveau logiciel des avantages quand tu fais partie de cette famille Windows Mixed Reality. Et surtout ces fabricants n'ont pas à fabriquer non plus les contrôleurs puisque c'est Microsoft, cette fois c'est les vrais contrôleurs Microsoft, c'est le seul appareil qui fabrique en VR d'ailleurs qui fournissent à toute cette gamme de casques. Donc on pourrait se dire que le partenariat, Valve ont amené une technologie, HP sont les fabricants du casque, et Microsoft, ils fournissent ces contrôleurs avec ce package Windows Mixed Reality, et le tout forme le HP Reverb G2. Pour moi, Microsoft, ça deviendra des acteurs de la VR quand ils sortiront leur casque. Pour l'instant, Valve l'ont fait, Vive aussi, HP fabrique leur casque. Le truc que je fais le plus attention, c'est que c'est bien qu'il y ait ce HP Reverb G2 qui soit sorti. Et ce qu'il faudrait éviter cette fois, c'est qu'ils en sortent 15 d'un coup, quoi. Parce qu'ils vont tuer le marché avec ça. Ils noient le poisson. Ils balancent 15 casques sur le marché. Plus personne sait lequel acheter. Et puis autant en faire qu'un et qu'il soit bien, quoi. Ouais, et en plus, j'insiste là-dessus, qu'ils l'ouvrent sur la série X, qui permettent de brancher un HP Reverb sur une série X. Ah bah là, ça serait une réelle ouverture à la VR. Ouais. Ouais. Voilà. Sans avoir besoin de faire leur propre casque. Ouais. C'est ça. Bah, ce qui, à mon avis, n'est pas très compliqué, et ça permettrait aussi à ceux qui font de la VR console de pouvoir avoir un parc peut-être. Bah, faut penser aux développeurs. Ouais. Arriver, voilà. Les développeurs, bon. ils veulent rentabiliser leur jeu. Donc, s'ils ont une console qui s'ouvre, ils sont contents parce qu'ils se disent il y a moins de risques, donc ils vont plus y aller. Je pense que déjà, ils en auront moins là maintenant que la PS5 a rattrapé les configurations PC. Si, encore une fois, il y a de la VR sur PS5, puisqu'on officiellement, on le sait pas. Mais ça fait quand même, pour tous les possesseurs de PS5 qui auront un PlayStation VR, ça fait quand même un parc plus grand, et je pense qu'il y aura moins de... C'est ça. On sera peut-être moins susceptible d'avoir des portages Oculus Quest et plus susceptible d'avoir des portages PC directement sur le PSVR. Tout à fait. Temps plus court. Le bel exemple, c'est Resident Evil 7, qui est quand même sorti en janvier 2017. Et là, les mecs, à l'époque, ils ont lancé ça, Capcom. Ils avaient utilisé le compatible, comme ça, ils savaient quand même qu'ils pouvaient quand même gagner de l'argent sur une partie plate. Mais à l'époque, en janvier 2017, il y avait combien de PSVR sur le marché? Il devait y en avoir 700 000. Et ils y sont allés quand même. Là, aujourd'hui, sur la prochaine génération, il y aura, parce qu'on était à 5 millions il y a quand même un petit paquet de temps. Donc, si ça se trouve, on est à 6 millions de casques. Si ça se trouve, on est à 5,5, 6 millions de casques, on ne sait pas. C'est pas un an, 6 mois. C'est sûr que les prochains qui vont arriver, c'est de là où on va peut-être pouvoir rebondir sur Electronic Arts, c'est que les prochains vont arriver, ils se disent, il y a déjà un parc qui est relativement bien installé, on va dire qu'il y a 5 millions de PSVR, on peut dire qu'il y a 10 millions de casques tout confondus PC, en comptant le Quest, tout ça, et encore, les chiffres, je ne les ai pas exactement. Donc, ça commence quand même. Il commence à y avoir, on va dire, 15-16 millions de casques VR. Ouais. Donc là, ça devient plus intéressant pour un développeur de se lancer, c'est clair. Si tout est sur un pied d'égalité en termes de développement, parlant d'optimisation de puissance, il y a quand même moyen de s'en sortir correctement. Quoi. En faisant quelque chose de bien entendu. C'est ça. Ok, bon, écoutez, merci messieurs. On va passer au plus gros événement de la semaine en ce qui nous concerne. Je vais parler de l'Upload VR Showcase. Est-ce que tout le monde l'a vu? Mm-hmm. Oui. Alors, l'Upload VR Showcase, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que durant le Summer Game Fest, en fait, le site Upload VR a décidé de faire un showcase entièrement dédié à la VR, avec une conf dématérialisée, pardon, comme on en fait maintenant, et présenter toutes les nouveautés, tous les jeux qui vont sortir sur les différentes plateformes VR. Voilà, donc ça a duré à peu près 2 heures. On a eu un bon paquet de jeux quand même en présentation. Alors, on a eu du déjà vu, on a eu des jeux déjà sortis sur PC confirmés PSVR avec des dates de sortie, donc confirmés qu'on savait déjà, mais avec des dates de sortie officielles. Donc je pense à Traffic Jam et Pistol Whip, merci. Mais aussi on a eu donc Pistol Whip pour le 28 août, je crois. Juillet. Je dis pas de bêtises. Juillet, ouais. Ok. Et septembre 2020 pour Traffic Jam. Pareil, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, plus intéressant, on a eu des nouveautés, notamment pour les plus nostalgiques d'entre nous, Panzer Dragoon, qui a été donc représenté, puisqu'il avait déjà été représenté il y a quelques temps de ça avec un petit trailer, qui a été représenté aujourd'hui avec une fenêtre de sortie donc annoncée pour 2021. Donc Panzer Dragoon sur PSVR, hypé, pas hypé? Bah écoute, qu'est-ce que vous en pensez? Carrément, ouais. Bah, c'est... Là, tu vois, pour autant, je suis pas rétro-compatible, on va dire, pour les consoles, mais je sais pas, ce jeu, c'est quand même un jeu emblématique de la console Sega Saturn. Et rien que le nom ne me fait pas rêver, mais me rappelle de bons souvenirs, on va dire. Et ouais, après, c'était quand même un jeu assez original. Alors, oui. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu, un espèce de shooter spatial, mais en 3D. Donc, c'était la Saturn, c'était la concurrente de la PlayStation entre la transition 16 bits et 32 bits. Et du coup, c'était l'un des premiers shooters en 3D. Et tu faisais ça à dos de dragon. Donc c'était ça la première originalité, puis surtout le jeu était magnifique pour l'époque avec des flambées, des tirs laser et tout qui arrivaient de partout, c'était assez fluide. Et du coup, ben voilà, donc c'est porté en VR et puis ben ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur quand même. Bon, on se dit encore un portage, j'ai envie de te dire. Encore un vieux jeu, enfin une ancienne licence pardon, qui nous est ramenée sur PlayStation VR. J'imagine de quand elle est sortie. Ah oui, bon après ils en ont refait entre temps quand même, parce que moi je me rappelle d'un Panzer Dragoon Horta sur Xbox je crois, ou Gamecube, mais pareil, qui était dans le même esprit, magnifique, très très fluide, enfin, donc je pense que ça peut être aussi, alors on n'a pas vu beaucoup d'images du jeu, mais, enfin pour ne pas dire pas du tout d'ailleurs, mais je pense que ouais, s'il reste sur la lancée, enfin c'était quand même un jeu qui était très beau et très dynamique, donc ouais, je me dis que peut-être ça peut être une vitrine graphique sur PSVR. Alors, à savoir si ça sera PS4 ou PS5, ça on n'en sait rien parce que c'était pas précisé, c'était juste précisé VR. Toutes les plateformes VR. Console voilà. VR, il y avait marqué. Donc, Cyril, tu nous as dit pardon ce que t'en pensais, Laurent. J'en ai pas assez vu. À mon avis, j'ai pas trop d'opinion pour l'instant sur le jeu. Tu penses que c'est portable facilement et que ça sera agréable à jouer, ou parce que bon, tu connais le principe oui, du oui, jeu. Oui, oui, bah si, ça peut être sympa. Hein. De toute façon, voler. Il y en a plusieurs qui s'y sont frottés à voler à d'autres dragons en VR. D'ailleurs, quand le PSVR est sorti, il y avait plusieurs jeux qui étaient prévus dans ce style et qui ont été tous annulés. Alors est-ce que c'est justement le souci, c'est d'avoir un petit peu comme les jeux de voiture une trop grande profondeur de champ et du coup ça aliase de tous les côtés, je sais pas, le fait qu'ils arrivent en 2021 ça me rassure parce que je me dis que c'est potentiellement un jeu qui pourrait arriver sur la PS5 et le PSVR. Après c'est vrai que le premier trailer, on voyait pas trop grand-chose. On voyait ce fameux dragon blanc avec ce nez pointu spécifique. Là, cette fois, ils ont plus joué sur la nostalgie en nous montrant les anciennes versions, mais on n'a pas vu grand-chose de nouveau en fait. Donc là, moi, je dis pas non, je dis pas oui. Je j'aimerais bien en voir plus en fait. Bah clairement, on n'a pas montré grand-chose, mais moi je parle essentiellement de est-ce que vous êtes hypé par le concept et le fait d'avoir ce jeu porté en VR quoi. Voilà. Pour ce qu'il a su amener à l'époque, pour le gameplay qu'il peut proposer aujourd'hui et voilà, enfin est-ce que en VR c'est un jeu qui vous intéresse et qui vous donne envie d'en savoir plus ou d'acheter un casque éventuellement le jour où ça sortira. Je pense qu'on a peut-être un peu changé, disons qu'on a pris du poil de la bête avec le temps. Tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, j'aurais été peut-être comme un dingue. Tu me dis ça aujourd'hui, bah entre temps on a eu un Tekken 7, on a eu un Gran Turismo à moitié, on a eu des grosses licences, on en a eu plein sur le PSVR dans ce genre, donc maintenant c'est plus le titre qui me fait vibrer, c'est je veux en voir plus. Ensuite on a eu First Contact Entertainment qui nous avait teasé un nouveau jeu, une nouvelle licence depuis l'année dernière, et on a eu les premières images de Solaris. Bah écoute, bon. Pour te répondre, Majo, c'est pour moi c'est une déception. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un jeu à l'opposé de Firewall. Non, ça, le peu que j'ai regardé du trailer, ça m'a pas du tout emballé. Non, déception, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça. Laurent. Ben c'est pareil, moi c'est pas mon type de jeu spécifique, bien que j'y crache pas dessus non plus, hein, parce que ça peut être intéressant. Là pour l'instant c'est pas ce qu'on a vu qui m'a. Tu vois, un Farpoint à deux, je trouve ça plus sympa à dégommer des monstres qu'à se tirer dessus. Surtout quand on a fait des articles sur le jeu, il y avait les trailers, les visuels, ça donnait vachement envie. Mm. Et là j'ai trouvé que c'était fade. dans le trailer, enfin là, c'était du gameplay c'était fade, c'était. Mais vraiment, ça a été une claque. Je ne m'attendais pas à ça, mais alors du tout. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a vu des jeux relativement mauvais dans ce genre de présentation, et puis les voir en fait super bons quand ils sont sortis après. Mais là, c'est vrai que ça mettait pas forcément en valeur le titre. Et puis, je pense que la toile a réagi sur un peu partout, parce que j'ai lu pas mal de trucs dessus, et c'est un peu de partout où ils sont mitigés quand même les joueurs. Là. Ils en ont pas pris plein les mirettes. Voilà. Je partage un peu l'avis de Cyril et de ceux qui sont pas trop enjaillés par ça. Enfin voilà, moi j'ai été, je suis un fan de Firewall. Hein. J'ai fait énormément de temps de jeu sur ce jeu. Ça m'arrive d'y jouer encore de temps en temps. Mais bon, un énième Firewall, malgré le fait qu'il soit dans un univers différent, j'ai envie de te dire que tu vas avoir Space Junkie, le jeu d'Ubisoft, qui à mon avis a l'air beaucoup plus dynamique et sympathique. C'est tout à fait ça. Voilà. J'ai l'impression de voir Space Junkie. Et Space Junkies, il a pas forcément super marché non plus, donc je sais pas. Si... Non, mais dans le gameplay, franchement, j'avais passé un bon moment. J'avais joué à l'époque où il se jouait qu'à la manette. Le gros défaut de Space Junkie, de toute façon, ça a été le prix et puis la compatibilité uniquement manette au départ. La compatibilité PS Move pour avoir les deux mains dissociées est arrivée bien après, mais bon, c'était trop tard. Puis le jeu à 40 euros, pour un jeu massivement multi, ça fait quand même beaucoup quoi. Puis le contenu était pas énorme, donc c'est du passé. Donc voilà, Solaris, écoute, moyen. On est un peu déçu, beaucoup de hype autour de ce jeu, du coup, avec le trailer qu'ils avaient montré à la base, et puis le gameplay, du coup, c'est un peu l'effet de souffler encore, ça retombe. Dans les annonces un peu dommage, on a aussi Afterlife, le dernier Fast Travel. Alors celui-là, j'attendais énormément de celui-là. On n'a pas vu grand-chose. Et j'attends toujours énormément de celui-là, parce que Fast Travel Games, c'est quand même. On aime ou on n'aime pas, mais perso, je trouve qu'ils font des super trucs. Donc. Alors je parle de déception. C'est uniquement dans la partie forme, parce qu'on n'a rien vu de plus que ce qu'on. Quasiment rien, il y a 10 secondes de plus que ce qu'on avait vu à la première annonce, donc c'est un trailer pour annoncer la date du prochain trailer. On nous a teasé du teasing. C'est ça, voilà. Dans cet esprit-là, on a aussi le prochain The Walking Dead. Le jeu, c'était Where's the Oblivion, Afterlife. Du coup, on a aussi le prochain The Walking Dead, donc la deuxième version VR de The Walking Dead, donc le Onslaught. Oui. Je sais pas trop. Ah, de Surios, oui, d'accord. Oui. Et du coup, alors celui-là, c'est pareil, ça a été un peu le teasing pour teaser l'arrivée des prochaines infos sur le jeu. Donc, pareil, on a Norman Reedus qui nous dit hey les gars, salut, attention, guettez. Ça va arriver bientôt. C'est moi qui vais doubler mon personnage. Ouais. Super, mais au final, on n'a rien vu non plus, quoi. Et puis, nouvelles infos, c'est toujours confirmé sur PSVR et sur toutes les plateformes VR. Donc voilà, c'est quand même sympa. D'ailleurs, depuis la conférence, ils continuent à communiquer sur Twitter ou autre. Ouais. Après Saints and Sinners, ils ont intérêt à assurer, parce que ils vont se faire couper les jambes là. Je l'ai enfin testé. Saints and Sinners d'ailleurs, c'est incroyable. Franchement, je l'ai fait tester à mon pote là. C'est pareil, il a été très très emballé. Enfin, franchement, l'environnement, je le voyais avec le surin et tout, on sentait qu'il vivait le truc. Quoi. Voilà, c'est vraiment très très impressionnant l'immersion. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Le seul défaut que je lui trouve, c'est les temps de chargement. Quoi. Ouais. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a eu? Rafraîchissez-moi la mémoire, les gars, parce que j'ai. Bah, il y a une bonne surprise pour le PlayStation VR. Operencia qui était joli. Oui. À mon avis, c'est la meilleure surprise qu'on ait eue, parce qu'on l'attendait pas. Donc c'est un jeu qui est sorti dès le départ sur Xbox. Il était sur le Game Pass, Xbox One, Xbox One X, et puis sur PC sous Windows 10. Après, il a été porté sur Switch et PlayStation 4. Et donc là, on l'attendait pas. Et donc, durant ce showcase, on a appris qu'il serait réalité virtuelle, PC et PSVR. Donc en gros, c'est du RPG, si j'ai bien compris. Son système de combat particulier, c'est vraiment du tour par tour. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, surtout en réalité virtuelle. c'est faut voir quoi. Par contre, il a l'air très. Bah c'est du jamais vu encore. Non, on a bah jamais non, eu de jeu non, comme ça. Non, faut voir comment c'est géré, mais graphiquement il est joli. En tout cas, il a l'air d'être très joli. Faut voir sa durée, mais franchement, sur le niveau trailer, moi c'est le truc. Quand par exemple à un moment il y a ce grand arbre là, on s'imagine déjà au pied de l'arbre en train de se dire waouh, on est tout petit face à ça. Faut voir le non, je pense que c'est une super surprise. Et puis il y a énormément d'illustrations 2D qui sont intégrées en 3D, et ça on sait que ça peut être joli. Ça me rappelle un petit peu c'était The Lost Bear, où c'était ouais. Un jeu en 2D, où et là on voit qu'il y a beaucoup de c'est vraiment du dessin à plat en 2D, et il y a différentes profondeurs de champ avec ces dessins, les contours des personnages avec des tracés noirs aussi style BD. Je pense que ça peut rendre super bien dans un casque, donc je suis curieux, ouais, vraiment hypé. Mieux que Bloody Zombie. Ah, j'avais bien aimé Bloody Zombie, hein, mais ouais, c'était pas mal. Ouais. Mais je sais pas, à mon avis, il peut être super sympa. Il y a beaucoup de puzzles, apparemment, et puis des phases de combat en alternance. Après, non, je pense que ça peut être un super jeu. On a aussi eu des news sur. On a parlé de Walking Dead tout à l'heure, et j'ai oublié d'en parler. On a aussi une nouveauté sur le The Walking Dead Saints and Sinners. Pardon. Mmh. Ils vont sortir un mode Horde, donc un nouveau mode de jeu avec toutes les armes débloquées. Encore me faire dessus. Voilà. C'est prévu pour je sais plus quand. Je crois que c'est la fin du mois d'août encore. Non, mois de juillet, pardon. C'est prévu pour le mois de juillet. Ils sont fous, les mecs. Et donc voilà, bah une seconde, une seconde vie pour The Walking Dead, pour ceux qui l'ont fait. Ils te sortent une suite sur un casque VR quand il fait 40 degrés et que déjà en plein hiver, tu sues comme un taré là-dessous parce que t'as peur des zombies. C'est vrai. Ouais, c'est quand même pas celui qui te demande le plus de bouger. Enfin, je t'assure que quand t'as fait Gorn et Hôtel RNR, tu sues parce que tu es stressé. Ah, pardon, j'avais pas compris. C'est une sueur froide, alors ça va. Ouais. On a bien vu. Mais celui-là, franchement, moi, ça a été la claque. Hein, donc, tu sais, je le dis tout le temps. Hein, moi, j'ai deux types de jeux de prédilection. C'est les jeux enfantins tout mignons et les jeux bien gore où c'est que ça part dans tous les sens, ça démembre. Et Walking Dead, franchement, c'est une tuerie. Donc, ils peuvent nous rajouter DLC sur DLC. L'ambiance, elle y est, quoi. Tu le vis, le truc. Tu es en plein milieu des rues du bayou là, t'entends les machins qui t'entends les zombies de tous les côtés, enfin tu t'y croirais, c'est génial. Ouais, c'est ouais. Ça. Et tu cherches d'où ils vont arriver quoi, même si enfin tu cherches s'il y a une grille, si c'est fermé, si c'est ouvert. Et puis les coups de flip que tu te prends quand t'en as 3 ou 4 qui te courent après. Excellent. Oui, parce que un c'est très facile à gérer. Mais dès qu'il y en a deux, c'est plus du tout. Ah, là, tu me parles de Horde. Alors, ça doit être encore plus stressant. Là, ouais, mais après, est-ce qu'il va y avoir toujours cet aspect destruction des armes et tout ça? Je pense que oui, parce que sinon, ça va casser un peu le gameplay. Mais peut-être qu'elles seront plus faciles à trouver. Mais non, mais vraiment, ce jeu, il prend aux tripes. Et puis, l'immersion est incroyable, quoi. Franchement, c'est pour ça que j'ai voulu finir Hôtel RNR avant de le commencer, d'ailleurs. Bah c'est le souci, c'est quand t'as joué à Saints and Sinners, derrière, t'es beaucoup plus critique sur les autres jeux de plus petits studios où des fois ils sont que un ou deux. C'est pas forcément facile de partir derrière sur des plus petits jeux. Bon, enfin, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Un nouveau mode de jeu pour Saints and Sinners, donc du tout bon sur PSVR, sur toutes les plateformes VR. Et du coup, on va terminer avec le plus lourd, la plus lourde des annonces VR qui a été faite cette semaine. Minecraft. C'est oui, tout à fait, tout à fait. C'est quoi, à votre avis, monsieur? Je pense que tout le monde le sait. Star Wars, le Squadron. C'est quoi? Star Wars. C'est quoi Star Wars? C'est pas... quoi? Tu peux pas poser cette question. Aussi, attends, il y a des gens qui ont jamais vu un seul Star Wars. J'en connais en plus. La guerre des étoiles. Les gens connais. Non, non. C'est des Coréens du Nord, non? Non, non, du non. tout. Des gens bien, des normaux, enfin, lambda, quoi. Non. Donc, à la surprise générale, Electronic Arts, oui, vous avez bien entendu, Electronic Arts va faire de la VR. Et pas... Bon, alors ça, on sait pas. T'emballe pas, restons optimistes. Et puis pas n'importe quel VR, pas n'importe quelle licence, pas n'importe quel type de jeu, la licence Star Wars sur un jeu exclusivement en bataille spatiale. Voilà. Donc tout le monde se souvient de la, une grosse majorité se souviendra de la expérience Battlefront sur le premier Battlefront, sorti au tout début de la VR aussi, qui était magistral. Cette expérience, franchement, elle était d'une ambiance incroyable. Enfin, alors, ça a duré quoi ? Une demi-heure, je crois, même pas 20 minutes. Mais ouais, c'était une tuerie. Tout le monde s'en souvient tellement c'était bien. Et là, ça va carrément être un jeu complet. Alors, un jeu massivement multi. Ouais, Electronic Arts. 5 contre 5. 5 contre 5, voilà. Avec un mode solo. Il a été précisé qu'il y aura un mode histoire solo. Alors, est-ce que ça sera anecdotique comme Battlefront 2, ou est-ce que ce sera un vrai mode solo comme Fallen Order ? Je pense que ça sera un petit truc. Oui. Ça va pas être un truc extraordinaire, mais voilà. Enfin, vraiment, on les attendait pas là-dessus. Et puis le jeu a l'air ouf, quoi. Bah, comme tu dis, on les attendait vraiment, mais alors vraiment pas. Surtout pas Electronic Arts. On les attendait plus du tout. Surtout après tout l'historique qu'ils avaient depuis la sortie du PSVR depuis 2016, où ils avaient carrément dit clairement que de toute façon ils croyaient plus à la réalité augmentée qu'en la réalité virtuelle. Qu'ils avaient aussi fait constater que. Et on a vu qu'ils avaient beaucoup investi. Bah, mis à part, en plus, c'était à l'époque, donc c'était DICE qui avait travaillé sur le premier Battlefront, et c'était Criterion qui avait fait The X-Wing VR Mission à l'époque. Et puis nous, après, derrière, on avait talonné Criterion pour savoir, parce que cette expérience, franchement, 20 minutes, tous les gens qui l'ont testé, ouais. c'est un peu le S-Combat 7 de Star Wars, quoi. C'était très bien foutu, mais c'était trop court. Et donc on voulait plus. Et là, ben, Criterion sont partis sur Battlefront 2 derrière et ont complètement laissé tomber. Enfin, ils n'ont pas laissé tomber parce que c'est directement Electronic Arts on leur a dit de ne pas continuer. Et suite à ça, Electronic Arts ont clairement pris part en disant que la VR c'était pas assez mûr, peut-être plus tard, mais que pour l'instant, ils voyaient pas d'avenir en la réalité virtuelle. Ils font ce qu'ils ont dit. Exactement. Et un studio de cette taille. Qui, avec le discours qu'ils ont eu il y a 2-3 ans de ça, maintenant ils vont. Pour moi, c'est encore plus important que la sortie d'un Star Wars, parce que Electronic Arts qui y va, c'est quand même. C'est des bons gros Américains qui aiment bien les dollars. Bah, c'est une boîte à fric. De toute façon, ils ont cette réputation. S'ils vont peut-être influencer le marché des développeurs en se disant putain, si Electronic Arts y vont, c'est que ça y est, le marché commence à mûrir. Donc, c'est une très très bonne chose en soutien de toute la réalité virtuelle, autant sur PC que sur console. Ouais. Moi, je mettrai une réserve à tout ça. Je me fais l'avocat du diable, encore une fois. Ouais, t'as raison. Ils ont fait ce qu'ils ont dit, oui et non. Est-ce qu'ils font pas actuellement un pas vers la VR parce qu'ils y sont obligés ? Je sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, Electronic Arts, c'était quand même un éditeur studio qui ressortait quand on faisait un peu le tour de table régulièrement. Depuis 2-3 ans, ils prennent quand même veste sur veste, hormis quelques jeux qui sortent du lot, hein, et quelques licences fortes, des microtransactions. Ils sont excessivement tournés, pour moi, excessivement tournés vers le multi. J'ai l'impression qu'ils se raccrochent un peu aux branches. Alors tant mieux, comme dit Laurent, tant mieux, c'est impeccable. Mais je suis pas certain que l'engagement soit si ah bien, je cherche mes mots, mais soit pas rentable, si mais voilà, si louable que ça. Après, par contre, ils ont un capital image qui est important, et ça, c'est une bonne chose pour la vie. Tu veux dire qu'ils ont un besoin de retravailler leur image plutôt que de faire de l'argent, c'est ça ? Bah, trouver des débouchés. Mmh. Mais peut-être les deux. Hein. Oui, les deux. Ouais. Ah, s'ils n'avaient pas FUT et les microtransactions... Ils ont encore besoin, ça marche plus trop, hein, les joueurs gueulent. Hein. Ils ont besoin de se reconstruire une image, ouais, ça c'est sûr. Ils se sont fait charger par le directeur de Disney quand même. Ouais, mais il y a eu des projets de loi sur les lootbox à cause de ça. Il y a des lois c'est qui interdit sont passées en Belgique à cause de... Oui, ouais, voilà, c'est ça. À cause d'Electronic Arts, c'est des lootbox. Ouais. Après, abstraction faite du jeu qui va sortir, hein, ça reste une bonne nouvelle, quoi. Il y a quand même un capital image fort. même s'il est plus qu'érodé, mais c'est là on Wars, se dit ça y est, les gros s'y mettent quoi, et ça veut peut-être faire un peu le cercle vertueux. Ubisoft qui travaille depuis le début sur des pas des expériences, mais des jeux un peu ils sont à l'extérieur du cercle, un peu ils gravitent autour, un peu comme un requin là qui tourne et qui attend le bon moment pour sortir le méga jeu. Bon ben voilà, là ça pourrait être le bon appel d'air qui a besoin de la VR. Et surtout, il est annoncé crossplay. Ouais, en plus. Donc ça aussi, enfin, on le répétera jamais assez, mais tous les jeux VR multi, il faut qu'ils sortent en crossplay. C'est une obligation. Oui, c'est pas gage de réussite non plus, hein, mais c'est un plus. Non, mais c'est le minimum. C'est, plus, ouais, c'est le minimum, ça, c'est pour, c'est, voilà, pour s'assurer des serveurs. Là, déjà, on est sur du Star Wars, donc tu peux être sûr que ça va être une tuerie niveau... Il y a Star Wars, tu vas piloter un X-Wing en VR, donc les mecs, ils vont être comme des fous. Et un X-Wing ou un TIE Fighter. Hein. Mais après, c'est vrai que... Il y a ça, mais Electronic Arts derrière le truc, c'est quand même un symbole. On sait aussi qu'Ubisoft travaille sur un gros projet AAA en VR. Donc eux aussi vont commencer à sortir du... On rentre dans une deuxième phase où on a moins d'expérience, on a peut-être moins de jeux, mais il me semble que les jeux qui arrivent ont l'air d'être quand même plus conséquents. Et tout à l'heure, on parlait de Resident Evil 8. S'il sort, c'est pareil, c'est un gros encore qui... Ah bah c'est clair, c'est clair. Non mais ça peut être un cercle vertueux, ça peut être intéressant, ouais. Et puis le discours d'Electronic Arts aussi qui disait il n'y a pas si longtemps que ça qu'aujourd'hui les gens ne voulaient plus ils ne voulaient plus avoir de jeux scénarisés et tout ça, et puis on sait ce qui s'est passé quand Horizon est sorti et puis avec ce discours là qui lâchait plus rien, mais ils ont amené Jedi Fallen Order donc on voit qu'ils se sont aperçus en fait ils ont peut-être voulu imposer aux joueurs une vision qui était rentable pour eux sans s'apercevoir que les joueurs ne voulaient pas ce qu'ils étaient en train d'essayer d'imposer, et là ils font marche arrière, donc on les revoit en VR, on les a revus dans Jedi Fallen Order sur du jeu scénarisé. Ils sont en train de se reconstruire peut-être une image, c'est une bonne chose, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein. C'est vrai que à force de vouloir faire du pognon et vouloir essayer parce que les loot box sur Battlefront 2 pour que directement le directeur de Disney téléphone à Andrew comment il s'appelle déjà Andrew le directeur d'Electronic Arts et qui lui fasse faire marche arrière parce que ce problème de loot box allait faire un bad buzz si gros qui risquait de poser souci sur la sortie du Star Wars de Disney. Mais au final c'est ça, à partir du moment où une entreprise devient de cette taille, un studio devient de cette taille, je dirais qu'il y a moins de passion parce que c'est les investisseurs qui prennent le dessus. Et après, bah, faut faire de plus en plus de fric et le problème c'est quand une boîte elle a touché le sommet, et bah, pour faire plus en plus de fric, et bah, ils cherchent n'importe quoi et c'est là qu'il y a des conneries et c'est là qu'ils se cachent la gueule en général. Donc c'est quand même bien qu'ils soient un peu redescendus et qu'ils commencent à réfléchir à une autre politique. Quoi. Est-ce que Electronic Arts et Disney n'étaient pas la meilleure association pour tuer la licence Star Wars? Oula. Oulala. Voilà. La suite au prochain épisode. Toi, je pense que tout est résumé. Toi, en tout cas, ça sort le. Toi, tu cherches là. En tout cas, ça sort le 2 octobre 2020. Ouais, si, donc si, ça sera cross-platform et en VR. Oui, si c'est pas repoussé, si. Ouais. Et donc le 2 octobre, savoir que la PS5 déboulera à peine un mois plus tard. Je reste convaincu qu'il sera porté. Est-ce que la version PSVR sortira en même temps aussi? On ne sait pas, hein, parce que comme en général, elle est toujours décalée. Bah si me le balance sur PSVR, sur PS5, moi ça m'ira très bien, hein, j'attendrai un peu. Mais bon, là en tout cas, c'est annoncé pour le 2 octobre, il n'y a pas de plus tard sur PSVR ou quoi, c'est annoncé pour le 2 octobre 2020. Pour moi, c'est la bonne nouvelle quand même, parce que. Je vais être très, très dur, sans doute, mais à l'issue de cette conférence, là, le showcase, Upload VR Showcase, là, pour moi, on a vu beaucoup de jeux de studios indépendants, on va dire, hein, alors qui ont fait un formidable travail depuis 3 ans, sur PlayStation VR comme sur l'univers PC VR. Mais je trouve qu'on sent les limites. Alors, je suis dur, mais par rapport à en un an, je vois pas d'amélioration notable. Et je pense que la VR, elle a besoin vraiment d'un second souffle, donc par des casques de qualité. Je suis pas d'accord. Par des casques, vais tu dire après, par des casques de qualité, mais aussi des titres de qualité. Et il faut que les gros rentrent dans la danse parce que il y a besoin de pognon. Il faut que le marché explose. Et quand on est un studio indépendant, eh bien, la technicité, elle est limitée puisque par rapport aux investissements qu'engendre la VR. Et quand on est un petit groupe, on n'a pas les reins solides. Et quand on voit que le marché n'est pas exponentiel pour l'instant, il n'est pas énorme, je me mets à leur place. Ça doit être compliqué d'avoir des financements auprès des instituts bancaires ou autres. Donc je trouve qu'on arrive un peu aux limites du système, du modèle indépendant. Quoi. Je suis pas d'accord. Ah, bah, vous avez le droit, hein. On est en démocratie. Hein. Je vais chercher mon fusil. Je te dirais juste The Walking Dead. Ah ouais, bah attention, The Walking Dead, c'est Skydance Interactive, c'est une multinationale, c'est énorme. Ils ont 300, eux. Ah, t'es fou, quoi. Là, t'es... Ils ont quoi ? C'est une usine, ça, ils sont milliardaires. Fou, oh bah, ah. Ah merde. Non, moi, je te dirais, par contre, le petit studio lyonnais de Stardust Odyssey, où ils sont 5. Et quand tu vois la qualité du jeu, tu te dis, il lui avait mis un 8 ou un 9 sur 10, je crois. Il y a des pépites. Mais je dis pas le contraire. Hein. T'as un milliard de jeux génériques en plat et tu vas en avoir 2-3 qui sortent du lot. Oui, sauf que là, on est sur un marché de VR. Et honnêtement, c'est mon ressenti. Bah, y a pas de raison que ça soit différent. Les développeurs de jeux, ils ont, hormis l'outil qui est différent, la technicité nécessaire, elle est supérieure en VR que sur un jeu en plat. Je dis des conneries ou pas ? Notamment en termes d'investissement et autres. Et quand tu as un petit studio, que tu n'as pas les reins solides, c'est difficile d'avoir des financements. Et quand on voit le marché qui est assez limité, donc ton volume de titres vendus est limité, bah tu arrives à la limite de tes moyens. Quoi. Après, moi, il y a un truc qui rejoint ce que tu dis. Moi, ce qui me choque, c'est que sur du plat, tu as le 3. Et le 3, on sait que c'est mondialement reconnu. C'est l'endroit où c'est que tu dois montrer tes jeux. Donc, forcément, une conférence à le 3, eh ben, il va y avoir plein de choses à voir. Et là, on est quand même sur de l'upload, Upload Showcase, qui est quand même un site VR avec un petit showcase VR. Je pense que les studios qui ont quand même déjà, par exemple, Stardust Odyssey, il était financé par Sony. C'est pas pour rien. C'est une exclusivité Sony. C'est pas pour rien. Et pourtant, ils sont que 5, les mecs. Moss, Polyarc, ils sont pas nombreux non plus. Voilà, ils sont peut-être 5. Par contre, c'est que des ténors. C'est que des mecs qui ont entre 40 et 55 balais et qui ont tous travaillé sur des titres de fou avant. Donc après, je pense que ces mecs-là qui ont, quand ils se font repérer, parce qu'ils envoient le jeu à Sony pour avoir un kit de développement et tout ça, Sony, s'il voit passer des pépites, il va se les garder sous le coude. Donc au final, ce qui reste plus sur des uploads VR showcase, c'est plus des jeux de petits développeurs qui sont pas licenciés ou en exclusivité avec donc c'est peut-être des plus petits jeux, voilà, c'est pas forcément les ténors, on les verra quand le PSV, la PS5 sortira, ou les voilà, on les verra plus tard. Ouais, tu rejoins mes propos. Ouais. Merci. En parlant de ça, il y en a un qu'on a complètement occulté et qui est quand même assez important. Non pas spécialement par son trailer ou son gameplay, mais plus par ce qui est précisé en fin de trailer, c'est Lo-Fi ou Lo-Fi, je sais pas trop comment on le dit. Pourquoi il est spécial celui-là, Laurent, vas-y, fais-toi plaisir. Celui-là, il est spécial. Alors ça va aller totalement à l'encontre de ce qu'on a dit au début du podcast. Alors celui-là, il est spécial parce que c'est un jeu qui est annoncé. Donc il a bénéficié d'une campagne Quick Starter pour son lancement. Donc c'est un jeu réalité virtuelle. Le studio, c'est un jeu qui est spécialisé dans la réalité virtuelle. Ils n'ont fait que des jeux de réalité virtuelle d'ailleurs. Et donc il est spécial parce que c'est la première fois que c'est un jeu qui est annoncé sur PlayStation 5. Donc forcément, eh ben, on est allé titiller le directeur de cette entreprise, monsieur Blair Renault, et on lui a posé quelques questions, et bien sûr il a jamais répondu. Donc par exemple, quand je lui ai demandé si c'était un jeu PS5 qui allait sortir en VR, il m'a répondu no comment. Il y a une autre personne qui lui a demandé la même chose. Hein. Alors VR sur PS5, sa réponse c'est hein, quoi la VR ? Mais j'ai rien dit moi. Et entre parenthèses, il met se cacher derrière un avocat. Donc en gros, alors par contre, la présence de ce logo PS5, il veut dire beaucoup. Enfin, légalement, il veut dire beaucoup parce qu'on a déjà rencontré des studios de développement en VR qui avaient posé le logo PlayStation VR. Donc nous, on avait commencé à en parler, et au moment où on en a parlé, ben, Sony se sont aperçus que, parce que quand tu développes un jeu, et tu n'as pas le droit d'utiliser le logo PS5 ou PlayStation VR si tu n'as pas sous contrat avec Sony. Donc ce qui veut dire que tu contactes Sony, il t'envoie un dev kit, tu signes un contrat, et à ce moment-là, tu as le droit d'utiliser le logo. Donc on suppose que si les développeurs de Lo-Fi ont mis le logo PS5, ils sont sous contrat, ce qui veut dire qu'ils ont un kit de développement, et d'autant plus que c'est un jeu VR, ce qui veut dire que c'est un jeu VR sur PS5. Et c'est la première fois qu'on entend parler d'un jeu VR sur PS5, ce qui validerait le fait qu'il y ait des exclusivités PS5 VR. Donc maintenant, faut bien garder les yeux braqués sur ce jeu, à mon avis, parce que le logo PS5, il peut sauter du jour au lendemain. Justement, dans le cas où il l'est mis et qu'ils n'avaient pas le droit de le mettre ou qu'ils ne savaient pas que. Pour l'instant, il est. Pour l'instant, il n'a pas bougé. Mais c'est super intéressant pour cette raison. Bon, le jeu, c'est un Blade Runner VR qui doit être pas mal, mais on n'en a pas encore assez vu pour vraiment juger le jeu. Par contre, sur ce point-là, c'est vraiment très intéressant de le suivre. Mmh. Et c'est un gros indice pour la suite, parce que côté Sony, pour l'instant, on en est, comme je disais tout à l'heure, juste à une rétrocompatibilité du PSVR sur PS5. Mais on n'a pas encore cette information qui vont nous sortir des jeux exclusifs PS5 VR sur un PSVR. Voilà. C'est vrai que c'est fou que ce logo soit apparu et maintenu, quoi. Et puis ça fait longtemps qu'ils parlent de PlayStation. Sur la campagne Kickstarter, déjà, ils disaient que ce serait un jeu PS5. Mais c'était juste écrit. Et écrit, tu as le droit. Tu peux très bien mettre le hashtag PS5 sur Twitter. C'est le fait d'utiliser le logo, c'est pas pareil. Donc c'est là que quand je l'ai vu, j'étais comme un dingue. Je dis, ouais, ça y est, ils l'ont mis. Alors soit ils vont se faire tirer dessus dans deux jours, soit s'ils le maintiennent. Ouais, mais je trouve que là, s'ils doivent le retirer, enfin maintenant, le verre est dans le fruit, on va dire. Ça peut mettre à mal, entre guillemets, la communication ultérieure pour mettre en avant la VR. J'espère que c'est vrai que c'est pas juste une campagne. Et justement, sur leur site internet, donc le studio, attendez, je l'ai pas cité, le studio, c'est Iris VR. Donc le studio s'appelle Iris VR. Donc déjà, tu vois que c'est bien VR. Et sur leur site, ils ont écrit, en utilisant les derniers kits de développement d'Oculus, Samsung et Sony, nous créons un certain nombre d'expériences et de jeux VR de haute qualité. Donc ils disent aussi qu'ils ont les derniers kits de développement. Donc on revient sur ces kits de développement. Si par contre, ça se peut aussi qu'ils ont développé leur jeu sur PC, ils se sont dit, on fera la version PSVR plus tard, on n'a qu'à dire qu'il sera sur PS5, mais là, logiquement, ils vont se faire charger. Donc, d'ici une semaine ou deux, le logo, il devrait sauter. C'est pour ça que je garde un œil dessus, parce que la vidéo, elle va sauter aussi. Donc, si ça reste... C'est super surprenant. Si ça reste, c'est plutôt bon signe. Bah, ouais. Bah ouais, mais ça m'étonnerait s'ils ont prévu si. Ah mais c'est, oui, c'est non, un très, c'est si un très ça, petit, si reste, c'est un tout petit studio, ils sont 4. Hein. Ouais, ouais, mais justement, si ça reste et que Sony a vraiment quelque chose, enfin, et qu'on espère que Sony a vraiment prévu quelque chose pour présenter la VR à part, bah ça veut dire que si ça reste, ils ont rien prévu du tout, parce que ça casse un peu le fait de n'avoir rien présenté à l'origine sur la conf PS5. Enfin, je trouverais pas ça crédible. Pas spécialement, parce que venant d'un tout petit studio qui ne sont pas sous contrat justement d'exclusivité avec Sony, on en revient aux jeux présentés à Upload VR Showcase. Je pense que à mon avis, ils en ont beaucoup d'autres sous le coude. On a déjà entendu parler par exemple de London Studio qui travaille sur une suite. On peut commencer à imaginer un Astrobot 2 ou des trucs comme ça qui travaillent sur la PS5, et ceux-là on les verra arriver, mais quand ils décideront, ça pour moi c'est une fuite d'un petit studio qui j'aimerais vraiment savoir. Je lui ai demandé aussi s'il avait un kit de développement, il n'a pas répondu. Il balance des phrases en disant que le jeu sera PlayStation. Ouais, des petites. Alors l'autre solution, c'est que le jeu soit VR, Lo-Fi VR pour tous les casques PC et qu'il ne sorte en plat sur PS5. Et là, ça me ferait mal au cul, le perso. Ouais, c'est pas possible. Que, si c'est un jeu développé voilà. en VR, que c'est un studio VR. Et quand tu vois le trailer du jeu, tu vois bien que c'est de la pure VR. C'est pas un jeu. C'est vraiment surprenant qu'ils le laissent faire. Ah bah c'est, bon, il, si il, ça il se trouve. Il est passé entre les mailles du filet, mais ils sont lents à la réaction parce que ça fait quelques jours que l'information est passée. Et puis surtout, elle a fait le tour du monde. Hein. Tout le monde en a parlé. Voilà. Ouais. J'ai été dernièrement en contact avec un studio pour un jeu VR, à savoir sur quelle plateforme il allait sortir. Et pareil, j'ai titillé dans le sens où PS5, pas PS5, en fait des choses comme ça, quoi. Même PlayStation VR. On peut pas parler là pour l'instant. C'est ça. Les en contrats, général, les ils contrats, peuvent les parler. Contrats. Mon interlocuteur était de bonne foi. Hein. Il dit, je suis désolé, mais je peux. Là, c'est vraiment pour l'instant, c'est pas possible d'en parler, quoi. Et là, à côté, il y a l'autre qui brandit son PS5 partout, ça me rappelle, un petit peu le VR Immersion Evolution qui partait en live. Tu sais, c'est des petits développeurs de petites parties qui partent en live comme ça en annonçant un PSVR 2 dans l'année. Et là, c'est un peu ça. J'ai l'impression que le mec, il a rien signé du tout. Il balance ça parce que comme ça permet de faire le buzz. Hein, parce qu'il rentre quand même sur le parc de 5 millions de 5 millions de PSVR niveau communication. Parce que la preuve, on l'a partagé. Donc, ça lui permet de faire le buzz. Et puis dans 2 mois, eh ben, il va nous dire « Ah ben non, finalement, il sortira pas sur PS5 ». Ouais, mais même c'est au-delà de tout ça, c'est étonnant que Upload VR ait laissé passer cette info-là. Tu vois, ils ont une charte éthique. Ouais, quand tu vas sur leur site, c'est bien marqué, ils vérifient tout, les sources, les sites, et là. Bah, Upload VR, ils vont pas vérifier le contrat que Iris VR ont signé. Si réellement, c'est ce qui m'étonne, moi, c'est que si réellement ils avaient signé un contrat avec Sony et qu'ils avaient un dev kit, le logo, ils l'auraient pas montré et ils auraient pas le droit d'en parler. Mais c'est clair, mais là ils foirent la com de Sony à venir, quoi. Ouais. S'il y a une com à venir sur la VR, quoi, c'est un truc de fou. Ouais. Ou alors ils ont récupéré des dev kits par personne interposée. Imagine que c'est quelqu'un qui a déjà une bonne notoriété dans le métier. Il a travaillé avec d'autres studios et il a peut-être réussi à récupérer des dev kits par moyen détourné aussi. Je sais pas exactement, mais bon, bref. En tout cas, le sujet est super intéressant et puis il faut garder un œil sur celui-là parce qu'il veut dire beaucoup de choses. Bon, ça fait 2 jours que le trailer est sorti. Pour l'instant, il tourne encore. Il est toujours là. Logo, ouais. Il y a tout ce qui va bien. C'est un peu encourageant. Resident Evil 8 aussi. Il y a tellement de fuites, Gematsu, Aesthetic Gamer, Aesthetic Gamer, il a carrément dit qu'il était sûr à 100% que le jeu était VR. Derrière, il s'est fait tacler parce que. Oui, comme il était sûr à 100% que Sega annoncerait un truc sur la VR. Sega, il a pas dit je suis sûr à 100%, il a dit. Ah si, il a dit j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a confirmé que l'annonce il a, de il Sega a dit, sur je VR. Peux vous le dire maintenant, Sega vont faire quelque chose en VR. Parce que alors ça aussi c'est une des pages qui est ouverte en permanence sur mon ordi en ce moment. On a toujours 2 conférences en attente de Sega et on sait toujours pas ce qui arrive. Fog Gaming c'était la 2e, mais la 3e on sait toujours pas ce que c'est. Donc pour l'instant, et puis attention, Aesthetic Gamer c'est quelqu'un qui est en lien avec Capcom, ça c'est sûr, parce que il te sort des trucs il y a que quelqu'un en interne qui peut savoir ces choses là quoi. Notamment quand c'est lui qui a sorti l'histoire des loups-garous et quand il les a sortis, tout le monde s'est moqué de lui en disant qu'est-ce que tu racontes, Resident Evil 8 avec des loups-garous, il y a eu un démenti, plus personne ne croyait aux loups-garous. D'ailleurs on utilisait des images de loups-garous, je crois que c'était Carole Quintaine qui avait dit il n'y a plus de loups-garous maintenant. Ça a été démenti par je ne sais plus quel, certainement Capcom. Ben, y en a, et en fait on vient tous de s'apercevoir que Aesthetic Gamer il avait raison sur toute la ligne depuis 6 mois. Donc bon. Majax, le magicien. Ah bah c'est quelqu'un qui soit travaille chez Capcom, soit connaît quelqu'un de très proche chez Capcom. En tout cas, voilà, c'est pour savoir ça. Pour moi, il sera VR également. C'est juste une histoire de temps. Et puis Gran Turismo, bien sûr. Gran Turismo, ben on sait ce qu'ils avaient cité. Donc ça, c'était plus en juillet 2019, où c'était sur une interview du site GT Planète, où directement donc Kazunori Yamauchi, j'ai un peu de mal, donc le créateur de Gran Turismo, qui avait clairement dit que pour Gran Turismo 7, la première chose qui allait affecter la puissance, c'était donc ce surplus de puissance que la PS5 allait apporter, allait affecter directement la réalité virtuelle. Et donc il avait dit, je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui nécessite autant de puissance de traitement. J'aime vraiment la VR. Je suis de ceux qui croient en ses possibilités et il est très adapté pour un jeu de conduite. La VR est quelque chose qui dépend vraiment de l'évolution de la puissance du GPU et du matériel pour cela, comme les périphériques d'affichage même. C'est quelque chose où vous ne pouvez jamais avoir assez de puissance de calcul. Il y aura toujours cette limite matérielle et cette limite ne sera jamais assez élevée pour nous. De toute évidence, cela va progresser, s'améliorer avec le temps et nous nous assurerons de suivre cela. Mais donc, voilà. il a fait de la politique, ce monsieur-là, non ? Ah ben écoute, oui, il a parce bien retourné sa veste. Hein. Il avait bien défoncé avant le PSVR. Il l'avait bien défoncé à la sortie ouais. De la il version. Il avait bien parlé VR, de si mes souvenirs sont bons, dans 50 ans, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Donc, mais ça peut être encourageant quand on voit que Assetto Corsa, par exemple, ne propose pas de mode VR. Ce qui est surprenant parce que c'est vraiment le jeu de référence sur PC en VR. Ben, ça a pas mal gueulé parce que Projet Cars 3, il y en a ou pas ? Je crois que oui, sur PC, oui. Ça m'étonnerait que Gran Turismo le fasse pas. Ah, c'en est un, il faut le surveiller. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais c'est un des jeux. Il y a Squadron à surveiller. Donc Squadron, il faut plus le surveiller sur une version PS5. Gran Turismo, il faut le surveiller sur une version VR. Resident Evil 8, il faut le surveiller sur une version VR également. Et puis Solo Fi qui donne de l'information. Sur de potentiels. Voilà, sur de potentiels. Bah lui, c'est le mec qui fout les deux pieds dedans et qui te fout un bordel pas possible parce qu'il est en train de nous dire qu'il y aura des jeux exclusifs PS5 en VR. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis pressé de voir dans les semaines si il va peut-être finir en Chicken Nuggets, lui. Je pense qu'il va falloir arrêter avec les jeux d'horreur au bout d'un moment. Va y avoir des morts, hein, parce que plus ça va, plus ça commence à devenir gore et psycho, ça va être compliqué. Hein. Ah bah des moment, morts, il y en aura, c'est sûr. Ça va mal finir. De toute façon, tu regardes bien, franchement, les jeux d'horreur, les jeux de simulation auto, c'est fait pour la VR, quoi. C'est des trucs, si t'as envie d'avoir peur, tu vas pas te mettre devant ta télé, parce ou que avion. T'as jamais peur. Bah les jeux de simulation, oui, les jeux de simulation auto, avion, c'est le top en VR. Bah ouais. Cuisine, job simulateur. Ah oui, il y en a un nouveau d'ailleurs qui sort. Oui, j'ai vu. Mais c'est pas mauvais, on hein, a c'est pas parlé, mauvais, mais bon, faut aimer quoi. Mm-hmm. Mais ah, c'est encore une fois, c'est un petit. Et là je sais pas vos pronostics. Vous, est-ce que vous pensez que Sony va balancer un petit truc sur la VR, mettons avant le mois de septembre? Ou est-ce qu'on va rien avoir du tout jusqu'en novembre et ils en parleront après. Je parle pas du PSVR 2, hein, je parle de jeu VR sur PSVR. Mais c'est pour ça que j'en sais rien. Je fais une aparté là. Il y a un autre jeu de Superhuman Desolatium dont la campagne Kickstarter va bientôt se terminer, qui a été un franc succès d'ailleurs. Oui, en deux jours. Le jeu sort en 2021, en juin. Et il est prévu sur PlayStation VR. Alors ça, sur leur visuel, c'est bien marqué PlayStation VR. Il n'y a pas PlayStation 5, je suis d'accord. Ils ont peut-être un kit de développement, eux. Ouais, mais par contre, il est prévu d'être aussi porté sur PlayStation 5. Ça c'est écrit sur la campagne. Ouais, c'est là aussi, c'est intéressant. Ouais, c'était une petite aparté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on a quand même touché le fond, on va dire, au niveau du catalogue PSVR, où on voit bien que les sorties, rien que cette semaine, il n'y a rien. Les sorties sont de pire en pire, quoi. Il n'y a plus que dalle. De temps en temps, on a eu heureusement Saint and Sinner qui nous a remonté un peu le moral. On sait qu'il y a Iron Man qui arrive. Mais disons que par rapport à ce qu'on avait en jeu, mais c'était des fois 5-6 jeux par semaine. Des fois, c'était des semaines de dingue. Mmh. Et là, il n'y a absolument plus rien. Et ça fait du bien de voir quelques rumeurs qui sortent, quelques développeurs qui commencent à parler. Mais surtout qu'eux, Superhuman, ils sont partenaires officiels PlayStation. Hein. Bah oui, voilà. Donc, Et ils ont bien écrit, alors je dis la phrase, hein, parce que alors, le jeu a la particularité d'être compatible VR, on va dire, puisque jouable aussi en plat. Et ils veulent... alors, nous voulons faire un port vers ces plateformes, PS5, Xbox Series X, bientôt. En tant que partenaire de PlayStation, nous espérons pouvoir le porter le plus rapidement possible. Donc, ils n'ont pas le kit de développement encore, mais ils vont le demander. Mais c'est ça, en 2016-2017, à chaque fois qu'on passait, on n'avait même pas besoin de passer des coups de fil, en fait, parce que les développeurs, ils nous contactaient et disaient oh, on fait ce jeu, et puis on en avait des tonnes. C'est vrai. Là, maintenant, on leur court après. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'on avait plus trop de... Il y a eu un moment où plus personne ne parlait. Le moment où il y a Paper Beast qui est sorti dans cette période-là, plus personne ne parlait. C'était tout top secret, c'était tout, on n'a pas le droit. Et y compris Lo-Fi, hein. Il ne parlait pas à cette époque-là. Et là, maintenant, bah, tu vois, il vient coller le logo PS5. Ça commence à se débrider. Electronic Arts qui arrive. Allez, hop, je te pose un truc. Mais en plus, c'est Electronic Arts. Donc, il y a quelque chose qui se déverrouille doucement. J'espère que ça va s'amplifier. Et puis, j'aimerais bien un petit Alix sur PS5 et puis des choses comme ça, quoi. Et puis, ça viendra, ça, c'est sûr. Je peux pas croire qu'ils passeront à côté. Mais il y a trop d'argent à se faire dessus. Ça va se débloquer, je pense. Ok, bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Négatif. Une envie, un petit coucou à faire à quelqu'un que vous aimez. Mon barbier. Coucou, mon barbier, merci à toi. Donc c'était la 42e émission donc des podcasts de VR4Player. Ce sera la dernière avant la rentrée, donc puisque c'est la trêve estivale, puisqu'il faut aussi qu'on prenne des vacances. Dernière de la saison 2. J'ai une question par contre, tiens, vu que tu dis c'est la dernière. Ah oui. Si d'ici le mois de juillet ou le mois d'août, Sony fait de nouveau une émission avec une présentation de la VR, il y aura une émission ou pas? Bon, ça se prévoit. On pourra se faire un truc spécial hors série. D'accord. Ouais. On est assez flexible là-dessus. D'accord. Si vraiment il y a du changement. Restez quand même à l'écoute sur le site. Si il y a du changement, on fera un truc spécial. Ouais. Bon, on sera là, vous inquiétez pas, on sera là. De toute façon, on sera là soit sur le site, soit sur le podcast. Ce n'est qu'un au revoir. C'est ça. Oui, ce n'est pas un adieu. Enfin, pour moi, je sais pas. Pour moi, ça sera peut-être un adieu, mais en tout cas, pour l'émission, c'est qu'un au revoir. dans tous les cas, autour d'un verre, redémarrera en septembre. Voilà. Ça, il devrait reprendre la main. 3. Et puis, si ça y est pas là, j'en ferai quelques-unes autres, ou vous d'ailleurs, hein, si vous avez envie, n'hésitez pas. Ça y est, si tu nous entends, reviens s'il te plaît. Ouais. Bah écoutez, merci, il faudra poser la question. Bon, bah essaye, reste où tu es alors. Say, on a plus besoin de toi. Private joke. Non, et puis avec tous les jeux d'horreur qui arrivent, il va nous fournir en couche, parce qu'avec ses bébés, là, il va pouvoir nous fournir en couche. Il va nous faire un prix chez Pampers, tu vas voir. Ok, bon, ben, en tout cas, merci à tous les auditeurs de nous écouter. N'hésitez pas, donc, du coup, à laisser des commentaires, parce que là, on a quand même une émission où on a chargé en avis pour chacun d'entre nous. Donc, n'hésitez pas à donner le vôtre, hein, comme d'hab. On vous suivra, puis on essaiera de vous répondre... du mieux qu'on peut. N'hésitez pas donc à nous suivre. Le podcast est dispo donc sur iTunes, Deezer, Spotify, PodCloud et sur le site de VR4Player. Pensez aussi à mettre les petites étoiles, à noter les podcasts parce que c'est bon pour le référencement et puis ça permettra aux autres aussi de nous écouter. Et puis je vous dis à bientôt et merci encore à tous les trois d'être venus. Merci et à toi. À la rentrée. Ciao. Ciao, ciao, ciao.